Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui ne perd pas ses pouvoirs entre chaque épisode. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Alors messieurs, on commence d'abord par s'excuser pour le petit retard. Voilà, il y a eu un petit cafouillage, petites allergies, petites choses qui ont empêché cet épisode de sortir à la date prévue. Mais nous sommes là, nous sommes dans vos oreilles. Et cet nous épisode sommes... est sponsorisé par les antihistaminiques oui, de Exerve, les miens. Alors que nous sommes en mai, oui, non pas non, du non, tout, non, on est en novembre, très bien. On est là grâce à qui? Grâce à vous qui nous soutenez sur Patreon. Nous soutenir sur Patreon si vous le voulez et aussi si vous le pouvez. On vous remercie énormément de faire le choix de nous donner comme ça quelques piécettes pour nous permettre de faire cette émission. Merci énormément à vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de sponsor sur cet épisode, mais par contre, on peut faire un peu de pub, quand même, pour des gens qu'on aime bien. Alors, moi, je voulais vous parler d'un mec qui s'appelle Exerve. Il fait des vidéos sur Internet. Il y a notamment ton test de God of War qui est arrivé. Ça y est, maintenant, il est vraiment sorti. Effectivement, du coup, parce que nous, on avait dû enregistrer plus tôt et on était encore sous NDA, mais là, ça y est. Donc voilà, c'est ouf. Voilà, donc, j'ai le droit de le dire. Ça. Et tu vas aussi y jouer, d'ailleurs, un petit peu. Oui, tu vas faire je vais faire un gros let's play. Bah, en fait, en 30 secondes, ils ont vraiment traité la problématique de la difficulté de manière vraiment intelligente. Ce qui est très rare dans les AAA et du coup j'en parle dans mon test, donc voilà, allez écouter ça. Et puis après vous pouvez aller sur une autre chaîne qui s'appelle Game Next Door. Il y a un gros épisode qui est sorti, une analyse conjointe de Deathloop et Weird West. On parle d'Immersive Sim, donc voilà, si vous aimez Fin du Game, les personnes qui font cette émission, eh bien vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. C'est bien ça quand même, maintenant on peut faire la pub de YouTube. Et sur aussi vous avez le deuxième épisode de Panthéon qui est dispo sur notre chaîne YouTube de Fin du Game. Voilà, effectivement, faut pas oublier, hein. Quel était le thème, Maxime? Les meilleurs concepts. Et ça, c'est effectivement dispo sur notre chaîne YouTube ou en rediff sur notre chaîne Twitch. Aujourd'hui, c'est un épisode événement. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un jeu Nintendo. Et ça n'arrive pas souvent dans cette émission. Une fois par an, en général. Oui, voilà, c'est pas loin, j'ai recompté, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc aujourd'hui, on va parler de Metroid Prime. Grand jeu, s'il en est. On va commencer par quelle musique, Maxime? Bah le main title. Le main title, donc le... Avec des petits... Ça fait un petit truc comme ça, moi j'aime bien le petit... Ouais, ça. Quand j'étais... Et si vous aviez eu l'image en même temps que le son, je vous assure, c'était... J'imite un Metroid, ah ouais, là, ouais. Facialement, et c'est compliqué. C'est ça, il y avait de la bouche et des doigts qui gigotaient un petit peu. C'est les petites patounettes des Metroid. Bah écoutez, on se retrouve juste après ça. Metroid Prime, ça sort donc fin 2002 aux États-Unis, puis c'est sorti chez nous en mars 2003. C'est sorti un petit peu entre les deux au Japon, assez curieux pour un jeu Nintendo de sortir un peu après, mais bon, sachant que c'est justement un jeu qui a été développé par un studio américain, Retro Studio, ceci explique peut-être cela. Je rappelle évidemment que c'est sorti sur Nintendo GameCube, la Nintendo GameCube pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais avant de parler de Retro Studio... Parce que celles qui disent le ne nous écoute plus instantanément après avoir dit ça. Raison, quitté, elles ont enlevé le Patreon. Elles ont compris, de toute façon. Avant de parler de Retro Studio, on va parler de la saga Metroid, tout simplement. Saga qui a débuté en 1986. Et oui, ça commence à en faire des, ça commence à en faire des chiffres. C'est un âge tout à fait raisonnable. Oui, voilà, je tiens à le signaler. On n'est pas loin, là. Ouais. Tu vois, XR, c'est 85. Et Metroid. Bah, voilà. C'est arrivé comme ça. Donc, Metroid est un jeu qui est vraiment créé au sein de Nintendo, voilà, avec différentes personnes. Mais le nom, peut-être, qu'il faut retenir pour la saga Metroid, c'est Yoshio Sakamoto. Il est arrivé en cours de route sur le premier Metroid et c'est lui qui a un petit peu cimenté l'ensemble de la formule sur le level design, etc. Il y avait déjà cette idée d'avoir un Android qui se battait. D'ailleurs, Metroid, c'est la fusion entre Metro et Android. Le saviez-vous? Voilà, parce que c'était un Android qui était dans les métros à la base. Oui. Voilà. Donc, ils ont cherché... C'est très bien nul. Mais je vous donne, vous avez ce cadeau-là. Call of Duty, c'est le Call of Duty. Voilà. Quand même, c'est un peu plus subtil que ça. Ouais, bon, d'accord. Et bien, tant pis. Vous pourrez briller en soirée grâce à fin du game. Donc, Yoshio Sakamoto qui arrive sur ce premier projet et qui va vraiment formaliser la façon de construire du Metroid avec à la fois le level design interconnecté et les nouveaux pouvoirs qui permettent d'explorer ce level design interconnecté. Il y aura un deuxième épisode en 91 sur Game Boy. Qui y a joué ici? Non. Très bien, et bien merci messieurs. Mais l'épisode vraiment que tout le monde retient en général, c'est en 1994, c'est Super Metroid qui sort sur Super NES. Et là, c'est vraiment la masterclass. La Super NES qui est la contraction de Super. Benoît, ça suffit? Oh, mais ça va. On n'en parle pas souvent de Nintendo. Oui, on peut vanter leur. On peut renvoyer tout ce qu'on a. Donc, Super Metroid, pourquoi c'est la masterclass Super Metroid, messieurs? C'est un jeu qui a quand même vraiment. Cristalliser un genre, en fait. Il a donné naissance à ce genre du Metroid-like et plus tard du Metroidvania. Il a apporté pas mal de choses qui ont été reprises, notamment de Zelda avec l'intégration d'une carte. Mm-hmm. Et en fait, ça a permis vraiment de pousser la formule qui était déjà sur l'exploration, le fait de se sentir seul comme ça sur une planète inconnue. Le fait d'ajouter la carte, ça te permet en fait d'avoir un vrai sentiment de progression. Mm-hmm. Parce que du coup, tu peux quantifier ta progression, te dire tiens, je vais revenir en arrière, etc. Parce qu'en plus, Metroid, enfin Super Metroid, les gens qui connaissent, il y a des passages secrets partout. Oui, partout. Et puis c'est beaucoup plus grand, surtout que l'épisode de NES, là ça permettait de faire différentes zones très marquées, etc. Avec toutes les idées du Metroid. Alors à la base, c'est un mix combat, plateforme, exploration, c'est ça. C'est du run and gun en fait, fondamentalement. Oui, et ensuite, c'est la structure de level design et cette idée que chaque item, on va les conserver, les items, et ces items vont nous permettre d'augmenter notre capacité à explorer l'ensemble de la map. Parce que c'est vrai que dans les années 80-90, il y a beaucoup d'items qu'on gardait juste temporairement. Tu vois, comme chez Mario, où la fleur de feu, tu la gardes et après tu fais toucher, t'en as pas besoin. Ou tu sais, tu devais utiliser les cœurs pour pouvoir lancer des haches, des couteaux, des trucs comme ça. On est effectivement sur des power-up. On a tout ce jargon en fait qui est hérité de l'arcade. Là, Metroid, en fait, comme c'est une série qui a pas fait ce passage par l'arcade, elle est directement arrivée sur console. Elle a forcément un historique un peu différent et un rapport à la notion de sauvegarde qui est beaucoup plus importante. Mm-hmm. Enfin, tu vois, en plus, les écrans de sauvegarde de Super Metroid, c'est un truc assez iconique. Il y a le son, etc. Mm-hmm. Mais t'as vraiment ce lien entre le level design en fait et le game design, ce qui est déjà un peu le cas avec Zelda. C'est pour ça que c'est compliqué, tu vois, de bien définir Metroid. Mais je disais lien entre les deux parce que comme tu le disais, tu vas débloquer des choses qui sont à la fois des armes et des clés, passages, il va falloir des compétences et tu vas revenir. La notion de backtracking, là pour le coup, elle est beaucoup plus importante parce que c'est des environnements très fermés et d'où l'importance de la carte en fait, où c'est vraiment des écrans qui vont s'enchaîner sur la carte et tu dis ok, il faut que je revienne à cet endroit je peux maintenant débloquer avec cette capacité. Donc c'est vraiment une progression aussi par les endroits que tu peux atteindre. Encore une fois, c'est pas révolutionnaire, il y a d'autres jeux qui font ça, mais c'est vraiment ce lien en fait, entre les deux. De manière aussi entremêlée, parce que Zelda, la différence, on en parlait offline, c'est-à-dire que dans Zelda, on chope aussi des objets qui nous permettent d'accéder à d'autres zones, mais ces objets, en général, sont principalement utilisés dans un donjon et chaque zone du jeu, en fait, après, c'est une espèce d'overworld où on va se balader un petit peu comme ça. Et encore, ça arrive avec Link to the Past, parce que le premier Zelda qui sort quasiment dans les mêmes eaux que le premier Metroid, il est beaucoup plus libre, c'est pas exactement on est pas du tout dans ce délire-là, on est d'accord, mais là, en fait, Link to the Past est déjà sorti et du coup, oui. C'est le succès qu'on connaît encore aujourd'hui. Ah, c'est la même année, hein, je crois. Ouais, ouais, c'est un peu plus tôt que Super Metroid. Donc, il va cimenter voilà, sa formule de son côté. Il y a vraiment cette toute petite nuance avec Super Metroid où bah, le level design, donc l'intégralité des zones, il n'y a pas tu vois, cette hiérarchisation zone basique et versus oui. donjon. Le oui, monde exactement. Entier. Le monde est un immense donjon. Voilà, et c'est ça la différence en fait, principale. Et ce qui complète vraiment l'identité de Metroid, ça va être bah, l'univers, le côté SF, et un certain rapport à la solitude aussi. Il n'y a pas de PNJ qui nous parle. La musique est relativement discrète en fonction des environnements, en fonction des jeux. Je crois que c'est peut-être plus le cas dans Super Metroid, parce que dans Metroid, il y a quand même de la zik, un peu ouais. voilà, chiptune et tout. Et bah, c'est ça qui rend le jeu assez unique, notamment dans le catalogue de Nintendo, en fait, qui peut être un peu plus coloré. Oui, parce que bon, forcément, bah, c'est ça, on a Zelda d'un côté, Mario de l'autre, oui. et Metroid. Bon. Qui restera, de toute façon, on va en discuter tout au long de cet épisode, bah, une licence un petit peu unique dans le catalogue Nintendo. Et aussi, ce petit reveal de fin iconique, où en fait, on incarne une femme. Ça participe quand même. C'est vrai que Samus, voilà. c'est devenu un perso... Ouais. Bah, oui. Aujourd'hui, c'est un perso vraiment central de la culture jeu vidéo, tu vois, parce que, bah, merci Smash. Mais voilà, c'est vrai que cette révélation, moi je me souviens, alors je l'avais découvert avec l'épisode Super NES, mais quand tu finissais avec un certain pourcentage de complétion sur la version Super Metroid, tu avais le droit à cette micro cinématique, enfin cet enchaînement de deux écrans un pixel art, coucou, et on voit, base. On reconnaît un visage et on se dit putain en fait c'est une femme. Et même dès le premier, en fait dès Metroid il y a voilà, déjà ça, et il y a déjà cette notion je crois dès le premier aussi que ça par contre voilà parce que une femme dans le jeu vidéo, il y a toujours ce côté, en fait c'est pas binaire, c'est jamais genre 100% bien ou 100% naze, c'est toujours un peu entre les deux en général, et en fonction de ton ta performance du temps que t'as mis à terminer, elle sera plus ou moins déshabillée. Vêtue, voilà. Alors elle peut pas être nue, hein, c'est ça finit juste en tenue, ouais, voilà, ouais, en bikini, t'as raison. Parce que je crois Dans Metroid, c'était ça. Ouais. Ah putain, bah, oui, j'ai pas eu de NES moi, donc c'est vraiment une console que je connais pas du tout. Et Super Metroid, parce qu'elle est en tenue une pièce, je crois, et tu peux faire un New Game Plus avec. Enfin bref. Et donc voilà, c'est toujours un peu côté. Ouais, c'est une meuf, mais je la déshabille. Bon, ouais, c'est voilà, ça. Bah, c'était progressiste, mais en fait, bah non, en fait, c'était juste pour vous faire une petite surprise. Et regardez, elle est en maillot de bain. Donc bon, c'est vrai que c'est ça l'histoire de Metroid, et ça va se terminer avec Super Metroid. Il va plus rien avoir jusqu'à cette nouvelle vague qui va notamment débuter avec Metroid Prime, et on va se pencher sur Retro Studio. Alors c'est un studio, lui, qui est fondé en 1998 par un certain Jeff Spangenberg, qui lui avait déjà fondé un autre studio qui s'appelait Iguana, studio notamment connu pour NBA Jam, Tournament Edition. Ils avaient bossé ils aussi, ont fait Turok ils aussi, fait Turok aussi sur la 64, Hunter, voilà. Qui était un jeu, qui était un FPS, il me semble, voilà, avec vraiment, un arc, etc. C'est Doom, mais contre des dinosaures. Ouais, tu tout vois, à fait, ouais. Excellent pitch. oui, bah ça avait pas mal marché, et d'ailleurs bah son studio avait très bien fonctionné, hein. C'est quelqu'un qui avait déjà quelques titres, quelques succès à son actif. Le studio en 95, il va être donc un Iguana, hein. Il va être acheté par Acclaim, qui était un éditeur un peu historique aujourd'hui, fini, ils font plus grand chose, mais ils sont achetés par lui. Donc Jeff va récupérer une bonne dose de moula, comme on dit dans le jargon, et en 98, il va se barrer et il va fonder une nouvelle boîte qui s'appellera Retro Studio, et il va la fonder à l'aide de qui ? Et bah de Nintendo of America. Alors peut-être que justement le fait qu'il avait travaillé sur Turok, il y avait déjà des liens avec l'entreprise, et Nintendo lui fournisse aussi encore de la moula pour ouvrir un énorme studio avec un objectif, c'est de travailler sur le projet Dolphin, qui est ce que deviendra la GameCube, donc avec l'ambition de dire ok, tu fondes ton studio, on te donne les ressources, mais vous allez devoir nous fournir des jeux. Il est au Texas et il va récupérer énormément de talents qui viennent de toute cette région-là, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu du Texas dans Fin du Game. C'est un endroit où il y a des gros studios importants, surtout dans ces années-là. Il y a notamment Looking Glass. Ça, Looking Glass, c'est System Shock. System Shock. Et puis, il y avait aussi Eidos, quand on parlait de Deus Ex, par exemple. Bah, la team de Doom et ensuite de... Iron Storm, voilà. Bah, tout ça, c'était à Austin, je crois. Oui, donc, oui non, c'est au Texas aussi. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y aura aussi des gens de id Software qui vont venir. Il y a des gens de Valve, Half-Life, qui vont venir. Il y a des gens de LucasArts, et puis il y aura aussi des gens d'Iguana. Donc vraiment, en fait, Jeff, il va venir ponctionner comme ça plein de studios environnants pour les faire bosser pour Nintendo au sein de Retro Studio. Ce qui fait qu'en 2000, eh bien, ils sont déjà 120 dans le studio. C'est quand même une grosse... Oui, là, on est sur une grosse équipe, hein, pour à l'époque. En 2000, dans ces eaux-là, 120 personnes, c'est énorme. Et d'ailleurs, ce qui permet de suggérer que c'est vraiment gros, c'est qu'en fait, ils travaillent pariez pas, non pas sur un jeu, mais sur 4 jeux. Parce que du coup, à l'époque, on pouvait se permettre, avec 120 personnes, je pouvais faire des jeux à 30, c'était déjà des gros projets. C'est et ça. Ils bossaient sur 4 jeux en même temps. Donc, il y avait un jeu de NFL, parce que les jeux de sport, ça fonctionnait toujours bien aux États-Unis, un jeu de bagnole, un RPG et un jeu d'aventure. Voilà. L'histoire n'a pas retenu les noms de ces jeux-là, puisque de toute façon, on va le voir, ils ne vont pas les continuer. Effectivement, il y a un souci, c'est que ils sont sur ces projets en même temps, les équipes sont un peu dispatchées, mais ça n'avance pas. Les teams font des assets, elles font un peu des protos, mais il n'y a pas vraiment de jeu qui arrive. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y a des soucis de management. Le Jeff Spangenberg, en fait, il s'occupe pas trop de son studio. Et puis, problème aussi, notamment sur le RPG, qui était une des ambitions, quand même, pouvoir fournir un Nintendo RPG, ça aurait été intéressant. Jeff, il avait fait venir aussi des gens du jeu de rôle papier, et vraisemblablement, ils avaient beaucoup de mal à travailler avec les gens du jeu vidéo, parce qu'ils leur pondaient des bibles de 700 pages de lore, etc. Bon, voilà, c'est pas un outil de game design. Donc ça ramait, et voilà, il commence un petit peu à avoir des tensions. Jeff, il est de moins en moins là, parce que Nintendo of America lui met la pression, etc. Ça n'avance pas, jusqu'au jour où c'est plus Nintendo of America qui s'en occupe, c'est Nintendo of Japan, donc la hometown, qui envoie... les OG. On dirait, tu sais, c'est dans The Wire, ils disent, c'est les gens de New York. Oui, tu oui, c'est exactement ça. Là, ils envoient qui ? Ils envoient Miyamoto et Iwata, notamment, donc toute une petite délégation, et ils débarquent comme ça dans Retro Studio. Et évidemment, ça va être un carnage, parce que il n'y a pas de jeu, les jeux ne sont pas faits avec la philosophie Nintendo, donc ils se font tous démonter, c'est vraiment une grosse douche froide, c'est un moment assez difficile quand même, j'imagine, pour toute une équipe de talents qui, tu vois débarquer les deux légendes et qui t'en met plein la gueule, ça n'a pas dû être évident. Néanmoins, Miyamoto s'attarde un petit peu sur ce jeu d'aventure en 3D et il avait cette idée apparemment de faire de Metroid un jeu en vue à la première personne, et il se dit ce qui va se passer, c'est que tous vos jeux là, vous me les arrêtez, mais vous allez vous focaliser uniquement sur la création d'un jeu Metroid. Forcément, il va falloir faire un petit peu de nettoyage dans les équipes, donc il y a un gros, des gros licenciements qui vont commencer. C'est notamment, il y a 26 personnes qui dégagent comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, le Nintendo nettoyage. Et après, ils vont aussi dégager Jeff Spangenberg, parce que il n'était pas seulement absent. En fait, à côté, rappelons-le, il était riche. Il était riche. À côté, qu'est-ce qu'il faisait ? Il organisait des petites soirées chez lui avec des meufs qui étaient peut-être pas tout à fait majeures, et il alimentait un site supposément un peu olé olé, voilà. Donc forcément, Nintendo, ils ont associé vu ça sur aux adresses IP de son propre bureau. Donc Nintendo, ils ont fait alors, non, du coup, on arrête tout de suite. Et il faut savoir que Nintendo avait arrêté cette partie-là de son activité depuis presque un siècle. Ça y est, les Love Hotel, c'était la c'est fin. C'est vrai qu'ils faisaient ça, mais oui, ils avaient eu ça à une époque. Je me souvenais plus, souvenez-vous, un siècle, tu te rappelles pas 1800. Non, alors là, du coup, je vous invite à lire. Voyons, on va faire de la promo pour un autre bouquin. Il y avait toute l'histoire de Nintendo qui avait été écrite par j'oublie son Est-ce nom. Que c'est Florent Georges. C'est Florent Georges, voilà, qui avait tout raconté là-dessus et qui expliquait justement l'évolution de Nintendo, comment ils étaient passés de on fait des cartes à on a des Love Hotel, à des machins, à des bidules, et finalement ils font des jeux vidéo. Ils ont eu c'est une société qui a été créée à la fin du 19e, je crois, et ils ont vraiment une histoire assez intéressante là-dessus. Mais bon, aujourd'hui, ou en tout cas dans les années 90, ils avaient déjà commencé à bien entretenir cette image d'une société familiale, parce qu'on le rappelle, ils avaient un peu redressé à eux seuls l'industrie du jeu vidéo. C'est après le gros, on va dire, slowdown qu'il y avait eu dans les années 80. Et donc, ils avaient vraiment entretenu cette image familiale, de sécurité, etc. Donc, c'est sûr que d'être associé, même s'il n'y avait pas... Justement, il n'y avait pas encore Internet à l'époque, mais tu te dis, putain, s'il y avait eu Internet à l'époque, ça aurait été... Bien sûr. On est en 2000. Ah oui, 2000, ouais, mais je veux dire, on n'a pas les réseaux sociaux. Non, Ah, mais de toute façon, le problème pour Nintendo, c'est que ce soit fait... avec l'entreprise, en fait, l'adresse IP de l'entreprise, parce que je pense que le mec qui fasse un site porno, potentiellement, ils s'en foutent, mais le fait que ce soit associé de façon si directe, c'est ça pour eux le problème. Alors évidemment, c'est une affaire qui a été assez étouffée, mais aujourd'hui, on en a quand même eu pas mal d'échos. En tout cas, pour revenir un petit peu sur la création de Metroid, c'est que pendant ce temps-là, ils avaient quand même commencé à bosser sur le jeu, à faire des ébauches de proto. Ils vont mettre vraiment 6 mois à pondre un niveau qui conviendra à Nintendo, qui sera vraiment validé par Nintendo. Et après, ils mettront un an pour développer l'entièreté du jeu. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que une fois que Jeff part, il est remplacé par un des producteurs qui s'appelle Steve Barcia. Et ce mec-là, c'est un bourreau de travail. Et il va mettre une pression énorme sur les équipes et Metroid Prime, et c'est vrai que bah, on s'en rend pas forcément compte quand on joue au jeu, mais là en lisant les interviews, c'est un jeu qui a été fait dans un crunch absolument monumental et continu, hein. Pendant un an ça a été du crunch, des journées de 12 heures, les pas de week-end, etc. Donc voilà, hein, il n'y a pas que Rockstar, exactement, vraiment les week-ends complets à bosser, à ne pas s'arrêter. C'est un jeu qui a été fait vraiment dans la douleur, et ça a été très difficile pour les équipes, surtout que continuellement, Nintendo taillait dans le gras et enlevait des gens de Retro Studio, ce qui fait qu'à la fin, il ne restait plus que le top talent qui pouvait survivre et sortir le jeu. Alors évidemment, on l'a déjà dit... Ils font leur petit Fortnite dans leur coin, Nintendo, tu sais. Ouais, c'est ça, ils ont un peu égrené tout le monde, mais voilà, il n'y avait que la crème de la crème qui restait, et c'est cette équipe-là qui a délivré le jeu. Pour dire à quel point, quand même, le Barcia, là, il n'était pas très apprécié, après Metroid Prime, lançant une grosse partie du studio va se réunir et envoyer le message à Nintendo, soit ils se barrent, soit nous on se barre tous. T'imagines, après Metroid Prime. Donc on voit qu'on était quand même arrivé à un niveau... On le rappelle, on parle que avec des vétérans, c'est-à-dire que c'est des gens, le crunch, c'est ça. Ils connaissent. Le jeu vidéo, ça a toujours été créé dans des conditions souvent compliquées. Donc là, tu sais, tu te dis, c'est des gens qui ont quand même un petit peu de bouteille et qui savent vers quoi ils vont, et même là, ils en avaient marre, quoi. C'est ça. Donc voilà. Ça devait être un jeu vraiment qui a été fait dans la douleur. Et pourtant, voilà, mais bien souvent dans certaines histoires du jeu vidéo, eh bien, le jeu qui était fait dans la douleur, il sort et c'est 97 sur Metacritic. Ça, c'est pas rien. Voilà, le jeu est acclamé à la sortie. Il convainc vraiment tout le monde. Ça fait justement partie de cette... c'est pour ça que la question du crunch est aussi complexe. C'est parce que souvent... dans les jeux qui parviennent à sortir malgré tout, en fait, ils sont en gros, les notes et l'accueil du public renforcent l'idée qu'ils avaient bien fait de faire ça. Tu vois, c'est ça que je veux dire. On a l'impression que tous les grands chefs-d'œuvre ont été faits avec du crunch, donc en fait, c'est la méthode, quoi. Bah voilà, et du coup, on le sait, tu vois, typiquement, BioWare, quand ils avaient fait le post-mortem d'Anthem, ils disaient que ça faisait partie de la BioWare Magic. Ils savaient qu'en gros, ils allaient cruncher comme des porcs, et à la fin, par miracle, le jeu était bien. Lol, mais du coup c'est pas toujours le cas, mais voilà, il y a cette espèce de narratif qui est raconté dans l'histoire du jeu vidéo et dans l'industrie, et Metroid Prime c'est vraiment un super bon exemple, parce que à l'arrivée c'est un chef-d'œuvre. Enfin, oui, c'est ça, le jeu reçoit de nombreux prix Game of the Year. Alors il n'y avait pas les Game Awards à l'époque, Geoff n'était pas encore là, mais voilà. Il était déjà là. Oui, non, bien sûr qu'il était déjà là. Mais bien sûr, il a toujours été là, Geoff. Le jeu vidéo, ce mec-là, est né avec. Donc voilà, de très très bons retours critiques. Et ce qui marche bien, de toute façon, c'est l'histoire de Metroid, du coup, ça continue de l'écrire. Il y a un rebondissement dans la licence Metroid, parce que le premier Metroid, il avait 15 ans, il n'y avait eu que 3 Metroid en fait en 15 ans, parce que du coup il y a eu Fusion qui est sorti la même année, et là le même jour ou juste la veille, c'est ça, il y avait stratégie vraiment de sortir Metroid Prime sur GameCube et Metroid Fusion sur Game Advance, sachant qu'il y avait une connectique à l'époque, on pouvait brancher le jeu et profiter d'une tenue, donc voilà, ils avaient quand même il y avait une stratégie. Nintendo shit, hein, oui, ça, bien c'est sûr, leur Nintendo grand truc, shit, ouais. Et du coup retour de la licence. Petite anecdote qu'on a oublié de dire, mais une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas beaucoup de Metroid, c'était potentiellement parce que Miyamoto, il n'aimait pas trop cette licence. En tout cas, c'est ce que supputent certaines personnes chez Retro Studios. Ouais, et qui se disent, c'est pour ça qu'il a filé ça à un studio américain, parce que bon... C'est surtout Sakamoto qui chapeautait un petit peu la licence. Et même Sakamoto, lui, se voyait comme une sorte d'autre pendant à Miyamoto, de faire des jeux que Miyamoto n'aime pas forcément faire. Et clairement, c'est pas une licence qui porte dans son cœur. Et c'est ce qui ressort. C'est des suppositions, hein. Miyamoto n'a jamais dit je n'aime pas Metroid. Après, évidemment, ce qu'on sait, c'est que Super Metroid, c'est le dernier Metroid fait par Nintendo. Ouais. Depuis tous les autres épisodes de Metroid. Non, Fusion a été fait par Nintendo aussi. Bon, voilà, il y a eu Fusion. Mais sinon, mais les Prime, ça va rester chez Retro. Après, il y a eu Other M, Dread, enfin tout. Voilà, oui, c'est une licence qui, de toute façon, va être développée par d'autres studios. Donc, clairement, c'est assez confirmé. Et comme tu le dis, de toute façon, Max, quand il n'y a eu que 3 jeux dans une licence, tu sais que dans les autres licences, parce qu'on était déjà à, je crois, 3862 jeux Mario, tu vois, parce qu'on avait tout, hein. Mario, il avait été docteur, été plombier, il avait tout fait, il avait fait de la peinture. Bah oui, Metroid, il y en a eu un sur NES, un sur Game Boy, un sur SNES, Voilà, effectivement, tu compares à Mario, aux Zelda, et ça a été un peu plus actif, on va dire. Effectivement. Et puis, ça va se prolonger sur la suite, vraiment de 2002 à 2007. Il va avoir la trilogie, un autre jeu Game Boy Advance. Donc, voilà. On sent qu'à ce moment-là, ils ont envie de push de nouveau la licence Metroid. Et puis, l'autre point qu'on a noté, eh ben, c'est dans la com autour de Metroid Prime, c'est ce fameux First Person Adventurer, hein, c'est ça, donc un FPA, et non pas un FPS, monsieur. Alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que ça rentre un peu dans les débats, mais quand même, on en a discuté, on se demandait si c'était peut-être pour Nintendo une façon vraiment de se positionner sur le marché parce que les FPS étaient extrêmement populaires voilà début des années 2000. C'est il y a Half-Life 2 qui va arriver, il y a Half-Life qui est déjà sorti, enfin il y a beaucoup de choses qui sont là, déjà Call of Duty, il y a déjà Battlefield, il y a Doom, il y a Unreal Tournament, enfin et surtout il y a Halo. Halo il est sorti, et Halo est sorti l'année précédente, FPS console du coup, et bah qui a très bien marché, et bah on se dit voilà, est-ce qu'ils ont du coup fait en sorte de ne pas vouloir être mis dans la même catégorie que Halo, parce que finalement, c'est des jeux qui sont différents. Enfin, effectivement, Metroid Prime, sans vouloir push le terme FPA ou quoi, ce n'est pas un FPS. Il n'y a pas le plaisir de viser quelque chose, il n'y a pas les vagues d'ennemis qui arrivent. C'est ça vraiment qui est important, c'est l'enjeu sur la visée, qui effectivement dans Metroid Prime n'est pas là, parce que bah, on lock, on en reparlera de toute façon quand on décortiquera un peu le gameplay du jeu, alors que Halo, on retrouvait des contrôles, même si c'était avec les deux sticks, beaucoup plus proches de ce qu'on avait sur des FPS. Oui, de toute façon, on l'avait dit dans l'épisode de cette excellente émission qu'on vous conseille, qui s'appelle Mais Fin du Game. Halo, ça sort en 2001. Ouais. Bon, Metroid Prime était déjà quand même dans les tuyaux, il y avait déjà des réflexions. Oui et non, mais pas tant que ça, parce qu'on sait qu'ils ont un an à faire les trois quarts du jeu. Donc et c'est vrai qu'Halo, ça a mis du temps aussi, a été annoncé tôt. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu le temps, en fait, potentiellement, de voir ce qui se faisait ailleurs. De se positionner peut-être un petit peu, De toute façon, là, on parle du terme FPA, qui, a priori, n'est pas arrivé avant 2002, de toute façon, quand vraiment le jeu était sur le point de sortir. Et là, ils ont dû se dire, bon, comment est-ce qu'on vend le jeu? Et je pense, on ne sait pas, mais ils ont dû se dire, bon, il ne faut surtout pas dire que c'est un FPS, pour des très bonnes raisons, mais aussi parce qu'il y a cette pression des autres FPS autour. Et il ne faut pas qu'il soit comparé à un Halo ou à autre chose qui ne fait pas pareil. Et on peut comprendre, et chose qui finalement a été un peu faite quand même forcément par la presse ou les joueurs, et qui disent voilà, le FPS de Nintendo versus le FPS de Microsoft. Ben, pourquoi? Parce qu'on retrouve des enjeux notamment sur la caméra, avec l'idée que ben, en fait on retrouve la même mise en scène, c'est-à-dire qu'on voit le point de vue d'un personnage, et on voit juste une arme qui dépasse de l'écran, et on a un viseur. Alors certes, on n'utilise pas ce viseur de la même façon, et certes l'exploration est vraiment centrale dans Metroid Prime, mais voilà, c'est pour ça je pense que vraiment Nintendo, en fait moi je comprends leur décision, parce qu'ils avaient envie de vraiment se positionner et d'injecter en fait tu vois dans leur com des éléments de langage pour qu'ils soient repris par la presse et du coup qu'ils finissent dans la bouche des joueurs. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, de vraiment désamorcer les attentes potentielles des gens. Mais bon, après le terme FPA il a pas du tout pris, pris, mais parce qu'en même temps des jeux avec les 3C comme ça de Metroid de Prime, il y en a pas eu, il n'y en a pas eu des masses. Et puis en vrai bon, c'est un terme, quand on l'a dit, le besoin en fait c'est pas les game designers qui se sont dit attends, on serait pas en train d'inventer un nouveau genre là, non. On sent plus le marketing qui a dit attendez, attention, il faut pas qu'on soit comparé aux FPS, donc on fait FPA. Donc le terme en lui-même ne vient pas vraiment du game design a priori, donc c'est aussi pour ça qu'il a mais il est resté, parce que quand on en parle encore aujourd'hui, c'est les gens ont retenu cette expression et le définissent comme ça. Il est resté comme dans la presse, en fait il y avait des articles tu vois qui soulevaient un petit peu, parce que forcément on tombe aussi dans les travers habituels de la presse, c'est que il y a une histoire un peu sympa à base de le FPS Halo versus le FPS de Nintendo, la guerre des consoles, patati patata. C'est vrai, sachant qu'en plus forcément la Xbox c'est un peu l'outsider, la GameCube on le sait ça va être un des plus gros flops de Nintendo juste après la Wii U, mais à cette époque là la GameCube elle a déjà du mal à décoller, donc il y a tout un tas de raisons éditoriales de pousser cette idée qu'il y a une espèce de guerre entre les deux. On peut juste revenir aussi sur les ventes. Metroid Prime qui fonctionnera quand même bien, on sera à 3 millions et à l'échelle de la GameCube on avait regardé un petit peu les meilleures ventes, c'est énorme, c'est pas mal. Par exemple Wind Waker on était à 4 je sais plus honnêtement, mais il y a un petit les plus grosses ventes c'était quoi, c'est Mario Kart, c'est Melee. Oui, c'est Smash Bros Melee, de toute façon c'est le quatrième jeu Metroid Prime, donc c'est ça, c'est Wind Waker, Melee et Mario Kart. Le top 3, je sais pas dans quel ordre, mais je pour moi pas 6ème, ouais, je crois que c'est un peu derrière, mais pas loin. C'est une bonne performance sur la console, sachant qu'en plus le parc installé n'était pas excessivement de mémoire, c'est une petite vingtaine de millions et il en a vendu quasiment 3, donc effectivement en termes de pourcentage c'est pas mal. Très bien, et écoutez, on va pouvoir passer à l'histoire de ce Metroid Prime. Alors spoiler alert, on va pas y passer des plombs, ouais, parce non. que bah, un peu à la façon de Zelda, Metroid c'est une série qui est très il y a un cahier des charges, il y a des univers, il y a un univers qui sont posés, c'est Samus, c'est les pirates de l'espace, c'est évidemment les Metroid, et ensuite bah, tu secoues, on ouais, rajoute ouais. deux trois petits éléments et ça y est, ça fait une histoire de Metroid. Là, ici, donc, on retrouve évidemment Samus, chasseuse de primes, qui va encore une fois capter un signal de détresse. Donc, elle va sur une station. Sur la station, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Benoît? Et bah, les pirates explose, de l'espace. Les pirates de l'espace, ça explose, compte à rebours, et évidemment, perdre des pouvoirs. Ça, c'est la base. Il faut ouais, perdre ouais. ses pouvoirs au début. Mais c'est une armure qu'elle a qui est vraiment très, très forte. Mais si elle reçoit un tout petit choc, elle perd ses pouvoirs. Elle perd ses pouvoirs. Et voilà. À chaque fois, à chaque début de jeu, c'est à incroyable. Ce moment-là. Ouais, voilà, l'amnésie sélective des héros de jeux vidéo. Mais bon, elle n'est pas la seule. Beaucoup de héros de jeux vidéo sont touchés de ce problème très grave dont on ne parle pas suffisamment. Mais tu vois, par exemple, dans Zelda, c'est rarement vraiment une suite. Alors que Samus, c'est vraiment, elle repère ses pouvoirs. Parce que Zelda, vous le savez, c'est la chronologie. Non, mais ça ne se passe jamais dans le même monde et tout que là. Samus, bon, bah, oui, en fait, techniquement, on pourrait relier les événements à ceux qui se sont passés ouais. dans Super Metroid. T'as des jeux qui rythment, en fait, un peu leur aventure où à un moment, bah, tu perds tous tes objets, tu perds machin, tu t'es fait enlever, t'as une mission, t'as ça dans Half-Life, t'as ça dans Deus Ex, t'as ça dans un Zelda aussi, de mémoire sur Game Boy, où tous tes objets ont été volés par peut-être des singes ou quoi sur une île, je sais plus, il faut retrouver tes objets. Mais là, Metroid, c'est, on commence par ça, c'est le départ. C'est vraiment la base. Donc, elle fuit cette station qui explose, et elle va atterrir sur Talon 4, une planète qui abrite des traces de qui de la civilisation Chozo. Donc on les retrouve, voilà, donc les Chozo qui sont cette civilisation un peu ancienne de sages qui avait notamment élevé Samus et qui lui ont fourni son costume de pouvoir, combinaison de pouvoir, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a vraiment ce principe de pouvoir s'adapter à son environnement, de prendre des pouvoirs de son environnement et de s'en servir. Donc elle est sur Talon 4, mais qu'est-ce qui se passe sur Talon 4? Il y a du phason, il y a une météorite qui est tombée, et voilà, ça a empoisonné le truc, ça a tout rongé. Les Chozo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de contenir la chose avec des outils de game design à base de 12 artefacts pour sceller la chose. Et de portes qui ne s'ouvrent qu'avec des super missiles. Exactement, voilà, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, on y reviendra un peu par la suite. Les Chozo vont disparaître parce que c'est toujours ça, hein, c'est des civilisés, donc ils disparaissent. Et après, qui c'est qui va débarquer? C'est les pirates de l'espace. Ils vont trouver le phason et ils vont se dire yes, du poison super puissant. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait des super à nous armes. L'univers. Exactement. Et si donc, on pouvait être encore plus méchant? Exactement. Donc il y a des pirates qui sont renforcés au phason. Et puis bien sûr, dans le lot, qui c'est qu'on va trouver? Il y a des métroïdes parce qu'ils en avaient encore en stock. Parce que chaque métroïde, normalement, c'est on se débarrasse de tous les métroïdes. Et en fait, il en reste toujours. Il y avait encore des métroïdes. Pas loin, dans l'autre station. Et qui manque au bingo du coup Metroid? Est-ce qu'il manquerait pas une petite personne? Alors, un ptérodactyle. Le ptérodactyle, il est là, Ridley. Alors là, il est en version méta, hein, donc il a été un peu rebricolé comme ça parce que normalement, je crois que ça fait suite à Super Metroid et qu'il est mort. Hein, je me demande si c'est pas en parallèle de Super Metroid. En fait, il y a une partie des pirates qui sont sur Super Metroid, l'autre partie qui sont sur Talon 4. Bref, je sais pas trop. Avis à tous les fans, je me désolidarise exceptionnellement cette fois-ci. Voilà, c'est de leur faute. J'en sais rien. On s'en fout un petit peu. Ridley, voilà, qui est devenu le leader des pirates, puisque Mother Brain n'est plus là. Il n'y aura pas Cred, néanmoins, voilà, sur Talon 4, ils n'avaient pas de clone de Cred à disposition, donc ils n'ont pas pu le mettre. Mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est que Samus, elle va récupérer tous ses pouvoirs, elle va traverser la zone de lave, la zone de glace, la zone du poison, et elle va buter tout le monde jusqu'à rejoindre le fameux... Phason, qui est une sorte de monstre en fait, une extraterrestre comme ça qui est là, et c'est lui qui a corrompu tout le truc. On va lui bazarder la tronche, on fuit de Talon 4, et voilà, la galaxie. Une planète de plus qui explose. Exactement, merci Samus, good job, salut les choses. Mission accomplie. Bon, évidemment, on rigole. Pourquoi? Parce que, le scénario de ce... Non, mais ça montre que, en fait, quand tu commences à t'intéresser à l'histoire de Metroid et que tu essayes de l'expliquer comme si c'était une vraie histoire, ça marche pas du tout. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on rigole pas pour se moquer de Nintendo ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il faut bien comprendre que Metroid n'est pas une série qui fonctionne sur son histoire, mais bien sur son level design. Exactement. Et son game design. Le reste est un prétexte et une espèce d'explication qui, fonctionne. Tu vois bien que dès que tu commences à gratter, ça tient pas. Et un ensemble de codes, en fait. C'est-à-dire que les motifs, Ridley, les pirates de l'espace, espace, on les a dans les tous Metroid les épisodes qui viennent te pomper ta vie, etc. C'est des outils avant tout de game design qui vont pouvoir leur servir à utiliser cette formule et à l'exploiter de manière un petit peu différente. Et voilà, on est sur. Non, parce qu'on a l'habitude de se moquer des histoires chez fin du game. C'est vrai. Mais là, pour une fois, c'est pas notre faute. C'est l'histoire. Non, c'est Nintendo qui a voulu ça. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a des choses qui sont réussies. Déjà, les musiques. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de musique dans cette émission, mais les musiques de Metroid Prime. Il y a quand même des belles choses, des bons remixes d'ailleurs. Quelques-uns, ouais. Pas tant que ça, mais il y a des petits remixes de Super Metroid. Bon, il y a carrément une musique, je crois que c'est celle des Cavernes Magmour. Là, on est vraiment sur une reprise de direct. Parfois, ça va reprendre des motifs ou quoi. Oui. Mais dans la musique de fin, vous verrez laquelle c'est, mais les Fendarna Drift, tu vois, oui. Ça, c'est peut-être la musique la plus iconique du jeu, quoi. C'est possible. Et puis, beaucoup d'effets, même sur le sound design, parce que la musique, parfois, elle est assez discrète, en fait. Il y a beaucoup, quand on est dans la jungle, voilà, on entend de l'eau couler. Il y a vraiment un travail sur le détail du son qui participe à l'immersion. Travaille aussi sur les environnements, hein, visuellement. Bon, Metroid Prime, c'est toujours très joli quand même. Oui, hein, oui, alors ça, il faut le dire, c'est un jeu qui est qui a vraiment bien vieilli. Même, et ça, c'est là qu'on peut vraiment parler, parce que je sais que c'est un terme qui est souvent utilisé avec à tort et à travers, mais là, on peut parler de direction artistique, parce que justement, ils ont fait en sorte, malgré les limites techniques de la console, de faire en sorte que ça reste lisible, on comprend ce qui se passe à l'écran, on arrive à interpréter tel truc de couleur, on sait si ça va être hostile ou pas hostile, etc. Enfin, ils ont vraiment fait un bon travail sur la lisibilité. Et oui, même si évidemment les modèles 3D, les polygones, bon voilà, c'est de la GameCube, hein, mais on y a joué nous tous un petit peu sur Super GameCube, wink wink, et ben franchement ça passe, hein, encore aujourd'hui, d'autant 20 ans plus après sur, d'autant plus sur Super GameCube, mais déjà à l'époque c'est vrai que c'était très joli. Il me semble que les graphismes avaient été assez loués à l'époque, dans les tests de l'époque. Oui, c'est un jeu super beau sur GameCube, etc. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que avec Wind Waker, je trouve que ça fait partie des jeux de la GameCube comme ça, le voilà, la GameCube, moi je peux le dire, c'est une console que j'adore. Je l'avais en fait quand j'étais gamin, et du coup j'ai vraiment kiffé les jeux qu'il y avait dessus, tu vois, Batane Kaitos à jamais dans mon cœur, et pourtant gros flop. Bravo, hein, bravo les gens. Et on peut aussi, on parlait un peu de ce sentiment de solitude qui est vraiment typique de la saga Metroid, c'est un petit peu là-dessus qu'elle s'est fondée, et là on le retrouve vraiment dans ce jeu où on est tout seul, il n'y a personne qui va nous alpaguer, pas un seul PNJ pour te tenir la jambe, t'es tout seul, toute seule. T'es tout seul dans le casque de Samus. Exactement. Ça, on y reviendra sur le changement justement de cette vue, il y a eu un gros travail aussi sur l'immersion. Et puis t'as les petites bonnes idées de mise en scène ou de cutscene, de cinématique, où tu vois, Samus tout seul. Ou juste elle a marché, et les fameux plans ascenseurs qu'il y avait déjà un peu dans, je crois, Super Metroid. Donc bon, c'est plus des plans fixes, oui, bien sûr, mais qui filment la solitude en fait. Et là, Metroid, je me souviens, t'as même plusieurs plans, ça zoome sur son visage, tu vois que ses yeux, et juste tu la vois, elle est seule, il y a une petite musique un peu discrète, et voilà, c'est l'ambiance. Mais c'est vrai que c'est des temps de chargement, mais ils sont vraiment bien déguisés. C'est-à-dire qu'ils utilisent le temps de chargement pour renforcer la tonalité de la solitude du jeu, et ça, c'est vrai que c'est toujours des bonnes idées, c'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'on les subit pas finalement, alors qu'on doit faire quand même beaucoup d'allers-retours, puisqu'on backtracking, mais on les subit pas. Ça participe justement à l'atmosphère. Exactement. Et on peut justement passer à la suite. Metroid, quel était l'enjeu finalement de ce Metroid Prime? C'était de transposer la saga Metroid en 3D. C'est quelque chose chez Nintendo qui s'est déjà pas mal fait sur la 64. Mario, Zelda, il y en a. Star Fox. Effectivement. Mais par contre, c'est pas toutes les licences qu'on réussit à faire ce truc-là. Et c'est quand même un vrai challenge, en fait, parfois, de transposer les 3C d'un jeu 2D, d'une licence qui s'est construite en 2D, et de la faire passer en 3D. À quoi on pense, par exemple? Est-ce qu'il y a une licence en 2D, comme ça, qui est passée qui en 3D? Qui ne fonctionne pas bien en 3D. Je sais pas. Alors, il paraît qu'il est bleu, c'est un hérisson, il va très vite. Ouais, voilà. Sonic en 3D, ça a toujours été quelque chose de très compliqué. Et encore récemment, avec là ce qu'on a vu de Sonic Frontier, on a l'impression qu'ils ont passé en fait les dernières années à essayer de se chercher, ils n'ont pas forcément réussi à trouver le hack pour passer de la 2D à la 3D, mais il y a plein d'autres séries, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les années 90, il s'est passé un truc, les gens d'un coup, les seules choses qui les intéressaient, c'était les polygones. Là vraiment, passer de la 2D à la 3D, c'était l'enjeu global, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de demande, d'engouement, tout le monde voulait de la 3D, donc il fallait des jeux en 3D, et il fallait tout transposer en 3D. Absolument tous les jeux de l'univers ont eu leur épisode en 3D. 3D. Arrive un peu sur le tard. Hein. Et Metroid arrive effectivement sur le tard, parce que bah, vous le savez, les gros épisodes 3D, c'est quoi ? C'est Tomb Raider, on est en 95. Oui, oui. Il y a évidemment Ocarina of Time, Super Mario 64. Bon, on va pas vous faire l'histoire. C'est la 64 et la PS1. Oui, et c'est Metroid ça. N'est pas sorti à cette période, parce qu'on a dit, c'est pas une licence qui a reçu beaucoup d'amour de la part de Nintendo. Et voilà, il a skip une génération, Metroid, on l'avait pas vu depuis. Ouais. Et donc bah, là, on est au début des années 2000, ils arrivent un peu en retard. Alors, Sonic, ça a pas trop marché. Rayman, moi j'avais noté que ça avait pas trop marché. Les épisodes 3D, c'est pas les meilleurs Rayman. C'est pas une grande. Et d'ailleurs, Rayman est revenu finalement sur le devant de la scène avec la 2D ou les lapins crétins, mais dans tous les cas, pas de la 3D. Et c'était vraiment Origins et Legends, c'était très bien. C'était très cool. Castlevania, alors là, on peut en parler, les épisodes 3D. C'est vrai que c'est intéressant parce que justement, c'est aussi une formule Metroidvania, c'est littéralement. Et c'est vrai que les épisodes 3D, ils ont pas. Castlevania a pas réussi. Il y a pas le Metroid Prime de Castlevania. Non, ça, c'est sûr qu'ils l'ont pas eu. Alors après, ça s'appelle Bloodborne. J'allais le dire. Voilà, vous le savez, vous qui nous écoutez, mais ouais, les Castlevania sur PS2, il y a eu deux épisodes. Il y a eu Lament of Innocence et Curse of Darkness. Il y en a un qui a tenté la 3D isométrique, pour vous dire, ça marchait pas non plus. Et l'autre qui a testé la full 3D. Il y avait un épisode horrible de Castlevania sur Nintendo 64. Je vous invite à regarder des vidéos, vous allez voir, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a eu plein de séries qui se sont vraiment mangées des gros murs en essayant de passer à la 3D. Et du coup, il faut comprendre que voilà, il y avait des gros enjeux et Metroid, y arrive. Plutôt bien. Alors, c'est vrai que c'est le premier truc qui surprend quand on rejoue la Metroid aujourd'hui, c'est vraiment ce schéma de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, le FPS sur console, on a l'habitude de le contrôler avec les deux sticks. Là, sur Metroid, on est vraiment à l'ancienne où c'est le stick gauche qui va gérer l'ensemble des déplacements. Et en fait, on ne regarde pas vraiment en haut ou en bas. On peut le faire, mais il faut se fixer au sol avec une gâchette et ensuite viser avec le stick, qui est toujours le stick gauche, alors que le stick C, qui était cette espèce de petit... téton. Voilà, moi j'appelle ça un téton. Oui, c'est vrai. C'est un petit téton jaune, voilà. Et lui, il servait à sélectionner les rayons. Donc c'était pas du tout un outil qui était utilisé pour la caméra, et c'est vrai qu'ils s'en sont pas mal sortis quand même avec ce schéma de contrôle. Même y jouer aujourd'hui, oui, on fait plus comme ça, mais néanmoins, comme tout le jeu a été pensé avec cette contrainte là, ça marche bien. En fait oui, parce que de toute façon la mise en place, il y a des vrais tutos, le jeu il t'explique vraiment bien, voilà, appuyez sur ci, faites mi, etc. Donc là il y a pas de souci, et en fait tu te rends compte rapidement de ce qui se passe. C'est vrai qu'il faut juste s'habituer à ce truc qui est étrange, parce qu'on n'a plus l'habitude. Quand tu vas sur le côté droit de ton stick, ton personnage tourne au lieu de se straffer. Maintenant, on sait que les persos, ils vont se déplacer sur le côté quand on fait ça. Là, à l'époque, ça permet de tourner. Mais une fois que tu as chopé ce truc-là, en fait, très rapidement, tu rentres dans le truc du jeu, quoi. Sachant que, comme on le disait, la visée n'est pas un enjeu, puisqu'il y a le lock des ennemis. Et en fait, à part quelques ennemis qui vont se trouver en haut de notre champ de vision, il va falloir se poser, viser un peu en l'air et clac, les attraper avec le lock, avec la gâchette gauche, si je ne dis pas de bêtises, ou droite, bref, on les attrape et ensuite ça y est, on peut tirer. Donc c'est vrai que c'est pas du tout l'enjeu, on est presque comme du Zelda en fait, c'est un peu cette caméra là même genre de lock, où en tout cas notre perso va regarder l'ennemi et se déplacer autour, un peu comme si c'était une gravité, tu vois, comme un astre autour d'une planète. Et c'est pareil en fait, c'est exactement la même philosophie, et du coup là tu te mets à te déplacer sur les côtés. Exactement. Quand tu utilises le joystick, et donc et d'ailleurs t'as même un petit pas de côté qui te permet de faire une espèce de si tu sautes, tu peux faire un petit saut comme ça, et t'as un petit esquive. Ça te permet d'esquiver, il y a des ennemis, il faut passer derrière eux relativement vite, et ça bouge super bien, et ça marche ça marche vraiment bien, c'est le même rapport qu'on a dans Zelda. C'est vrai que ça marche super bien. La visée en fait manuelle est souvent utilisée dans des situations de puzzle ou d'énigmes. Il va falloir viser un truc particulier, utiliser la visière pour regarder, je sais pas, un symbole chozo et le traduire ou un truc comme ça, mais rarement dans des situations de combat. Par contre, sur la plateforme, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus en demi-teinte, c'est-à-dire que oui, il y a de la plateforme dans le jeu, comme c'était le cas dans les Metroid 2D, ça fonctionne, mais néanmoins, le fait qu'on ne puisse pas bien bouger sa caméra continuellement et pouvoir ne serait-ce que regarder ses pieds, et bien souvent on va arriver au bord de plateforme, on sait pas toujours si on est au bord de la plateforme, et il m'est arrivé quand même pas mal de fois de me croûter bêtement parce que je sautais trop tôt. Pareil. Moi je suis pas bon de base, la plateforme ça a toujours été un truc qui m'a posé problème, et là en 3D j'ai mis du temps à m'y adapter. Par contre ils ont quand même réussi à bien gérer, c'est à dire que les distances, quand tu as des moments un peu tendus où tu vois, tu sais, genre vous imaginez très bien le couloir avec de la lave et il y a juste des petites plateformes qu'il faut sauter, les distances sont vraiment millimétrées. Donc si tu pousses ton stick à fond et que tu sautes, normalement ça passe. Autre bonne idée aussi, c'est vrai qu'on l'avait, noté ça, le rayon chargé qui attire les objets, ça c'est une vraie vraie bonne idée de game design en 3D. Ça t'évite de devoir aller péter je sais pas où, parce qu'en plus, bah, du coup, les espaces sont pas forcément immenses, mais bah, tu vas avoir des fois des missiles qui vont être vraiment sous le plafond. Ouais. Tu vas pas pouvoir sauter, aller les récupérer. Donc là, t'as juste à les attirer et tu les récupères. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire quelque chose, tu sais, ils auraient pu rendre quelque chose d'automatique. Mais je trouve de le faire avec le rayon chargé, ça t'engage encore d'une autre façon dans l'expérience. Bah, pour moi, c'est vraiment une réponse au fait que se déplacer dans des petits espaces dans Prime, c'est pas hyper agréable. Comme on l'a dit, on est quand même, tu sais, on prend pas mal de place, la caméra est pas hyper agréable, comme tu dis, tu vois pas tes pieds, tu vois pas au-dessus de toi. En fait, t'as quand même un champ de vision qui est ultra restreint. Il suffit que t'as un truc un peu au-dessus, un peu sur le côté, c'est chiant. En fait, si tu devais aller chercher, c'est chiant. Autant dans les premiers Metroid 2D, ça va, parce que on te demande de faire du platforming, d'explorer tout l'écran, hein, entre guillemets. Et c'est vrai que pour moi, le rayon chargé qui attire tous les petits objets dans un certain rayon, c'est plus une solution à un truc qui était un problème, je pense. Bah, oui et non, parce que du coup, ça te permet aussi de te rappeler que bah, le tir chargé, il est central dans le gameplay de Metroid Prime. Et du coup, bah, comme tu l'utilises souvent, tu t'habitues, tu vois, à le faire. Ouais, donc ça, tu vois, et le pire, c'est qu'il est optionnel. Tu peux le louper. Ouais. T'es pas obligé tu peux le louper. T'as pas, y a pas besoin rayon de charge. En fait, il y en a besoin dans les situations de combat parce qu'il est très utile. Et vraiment, ne pas avoir le rayon de charge, c'est une galère. Mais tu peux louper cet upgrade. Je m'en souviens quand j'avais. Parce que le jeu, moi, je l'ai fait. Donc, j'y ai joué un peu à l'époque. Je l'avais pas fini. Je l'avais relancé il y a 5 ans. Je l'avais pas fini. Et là, je l'ai fini cette fois-ci. Mais à ma deuxième run, donc là, il y a quelques années, eh ben, j'avais loupé le rayon de charge. D'accord. Et j'étais arrivé à Flagra. Et ben, c'était une grosse galère parce que sans le rayon de charge, c'est difficile. Surtout, on peut quand même souligner le fait que ce soit capital que les ennemis drop certains objets. Ça, c'est depuis les premiers Metroid aussi. En tout cas, au moins Super Metroid. Parce que, bon, non seulement il y a la vie, ok, ça c'est classique, mais aussi des missiles qui laissent. Et les missiles, t'en as besoin littéralement pour débloquer certains passages. Donc il faut que tu puisses ramasser des missiles en tuant des ennemis. J'y pense, mais c'est encore un bon exemple d'un design où là tu vois, t'as pas peur d'utiliser tes consommables. Parce qu'on parle souvent des consommables qu'on récupère et qu'on garde jusqu'à la fin. Les missiles, moi j'avais tendance à déployer un truc, mais missile. En fait, il y a un bon équilibre, c'est-à-dire que si tu les utilises quand même à fond, tu vas souvent être. Tu vas être juste. Oui, t'en trouveras. Ils mettent des caisses, etc. Faut bien penser à Tu peux toujours revenir en arrière. Il y a des ennemis qui réapparaissent. Enfin, tu peux assez facilement refaire ton stock. Et donc, tu peux ne pas trop te sentir complexé à utiliser des missiles. On peut passer à l'autre grande idée de ce qui est centrale vraiment dans l'esthétique de ce jeu, c'est le casque, le viseur de Samus. On le sait, on incarne pas seulement Samus, on incarne Samus à l'intérieur de son casque et on voit vraiment à travers ses yeux et donc à travers cette fameuse visière. Déjà, il y a toute l'interface qui est totalement diégétique, n'est-ce pas, puisque toutes les informations sont affichées sur le casque de Samus. Donc il y a la vie, les quantités de missiles qui sont à droite, il y a la minimap, le petit radar, les différents viseurs et les différents rayons qu'on va pouvoir sélectionner. Tout est vraiment affiché sur le casque de Samus et ça marche super bien parce qu'on a vraiment en plus c'est fait avec un peu de transparence, donc ils ont vraiment trouvé le bon truc c'est vraiment le casque un peu d'Iron Man qui est parfait pour lire l'action, c'est-à-dire que ça gêne jamais et pourtant c'est là et on peut très vite choper toutes les informations. C'est rigolo parce que c'était ça aussi l'enjeu, tu vois, sur le côté immersion à l'époque, c'est une vraie envie de la part de pas mal de développeurs. Je sais que Halo, typiquement, tu vois, l'intro de Halo où tu mets le casque du Master Chief, ils te font viser à droite à gauche. Ouais. Ils avaient déjà aussi cette envie de te faire comprendre que tu es dans une armure et que tu n'es pas simplement une caméra. Je parlais aussi d'un autre truc qui est intéressant, c'est les différents viseurs qui vont vraiment renforcer l'esthétique du jeu. Alors, il y en a plusieurs. Le viseur normal qui est le viseur de combat. Il y a le viseur analytique et lui, c'est le dispenseur de lore. Ça, c'est vraiment c'est une idée qu'ils ont trouvée comme ça. C'est de dire, OK, on va devoir te faire activer. Parfois, c'est des boutons. Hein, donc, il y a vraiment des interactions qui sont nécessaires pour activer des ascenseurs, pour ouvrir des portes, etc. Il faut viser certains points. Mais il y a aussi plein de points qu'on va pouvoir trouver dans le décor et en les analysant, et bien voilà, le jeu va nous donner du lore que j'ai pris évidemment beaucoup de plaisir à ne pas lire. Mais en fait, c'est que le lore ça m'intéresse pas parce que voilà, c'est pas quelque chose que je valorise tant que ça dans les jeux vidéo. En revanche, je trouve que c'est un super outil en fait, le viseur analytique, parce que encore une fois, ça fait partie de l'armure du casque de Samus et surtout, l'exploration, découverte d'une planète inconnue, en fait, c'est assez bien trouvé. On est toujours dans cette fantaisie de, tu sais, c'est de la science-fiction, on est dans le turfu, donc voilà. t'es dans une armure et l'armure en fait va te donner, elle a une IA, tu vois, enfin c'est oui c'est ça, t'as une IA dans une base de données, tu vois, il y a une espèce de Wikipédia intégrée dans ton truc, il y a le Pokédex, voilà, et dès que tu vises un truc, ben l'information t'est donnée, et donc ben ça permet de renforcer cette idée que tu es Samus, et ça c'est très très fort, parce que le double bonne idée de ce viseur analytique, c'est que ben, comme ils te forcent à l'utiliser pour activer un ascenseur, tu l'as dit, un levier, en gros au lieu de devoir cliquer sur un bouton, il faut le regarder avec le viseur analytique, il t'habitue très tôt à l'utiliser pour apprendre des informations complètement annexes. Enfin, tu peux regarder toutes les plantes, tous les petits insectes, il y a des formes de vie. Chaque nouvelle forme de vie. Ouais, n'importe quel monstre, n'importe quel truc, il y a des informations qui peuvent être données. Quoi. Et la bonne idée, c'est qu'il y a un code couleur. Il y a les... Parce que donc, quand on scanne, pour préciser au cas où, on ne peut pas genre, tout scanner, c'est pas réaliste. Il y a des petites icônes qui nous disent ça, tu peux scanner, ça, tu peux scanner. C'est un petit rectangle qui est au milieu de l'écran déjà, et on voit que dans cette petite zone périphérique. C'est plus tout l'écran qui est pris. Et il va te dire, ça, tu peux analyser. Genre, si tu vois qu'il y a, là, je regarde autour de moi, il y a une petite chaise, il y a un carré orange sur la chaise. Pokémon de type roulade. Je me dis, si je peux scanner ça, ça va m'en apprendre sur la chaise, et sinon, ça va être rouge quand c'est vraiment quelque chose d'important avec lequel on peut interagir, donc ascenseur ou puzzle ou quoi. Et donc, si vous êtes comme Hugo, tout le orange, tu dis, là, j'ai pas envie. Donc tous les points orange, je les dégage. Et si c'est rouge, je sais que c'est important. Si c'est orange, ça dégage. Et un autre truc qui est un peu intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un défi la lisibilité, tu vois, de ton environnement, parce que on pousse plutôt l'ultra réalisme, le photoréalisme aujourd'hui. Et là, c'est une époque où t'assumes, tu mets un gros carré orange ou un gros carré rouge. On s'en fout en fait, et c'est très lisible. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce parti pris. Je me dis, tu vois, aujourd'hui, de faire juste des petits objets qui vont scintiller, tu sais, il faut essayer de reconnaître le bon objet au milieu des trucs aux F. C'est pas forcément une école où je me dis, c'est peut-être pas un truc qui va rester longtemps. Tu vois, ça, je sais pas dans le jeu vidéo, voilà, je mets une petite pièce dedans. Et en parlant de lisibilité, après, les deux autres viseurs importants, c'est un viseur thermique. Donc là, ça y est, on passe en violet et rouge avec les zones de chaleur. Exactement. L'esthétique marche super bien, je trouve que ça rend très bien. Et après il y a le dernier viseur, c'est le viseur, je sais plus comment il s'appelle, qui permet de pister les trucs un peu invisibles. Et là aussi il y a un effet qui est vraiment super sympa, avec une sorte de petit cercle qui presque est un peu autonome à l'intérieur de l'écran, et il cherche lui-même un peu les objets, et ça marche aussi super bien. C'est pour voir dans le noir, voir à travers les murs, et voilà, c'est différents viseurs qui marchent bien, même si c'est rigolo parce que les deux ils ont la même utilité. Exactement. C'est de trouver les choses que tu ne vois pas, que tu ne vois pas normalement. Mais bon, il l'utilise un petit différemment, ça sert de clé évidemment pour passer certains passages. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que parfois ça tient juste à des petites idées de mise en scène, entre guillemets. Exactement. De design, de petits polish, et puis voilà, t'as l'impression de faire autre chose. Quoi. Et puis après aussi, le dernier point qui participe vraiment à l'immersion dans le cas de Samus, c'est tous les petits effets qu'ils ont fait dessus. Alors il y a les effets de particules quand on va rentrer dans de l'eau, quand on va rentrer, il y a des spores un peu de plantes qui vont nous tacher comme ça la visière, et puis il y a ce fameux reflet du regard de Samus dans la visière quand on tire. Ou quand il va avoir vraiment un éclairage, quand on va être un peu surexposé, on voit les yeux de Samus dans la visière, et c'est vrai que ça marche bien. Alors je l'avais fait remarquer sur Twitter, on m'avait dit que Buzz l'éclair, le jeu, le faisait avant, donc je n'y ai pas joué. Nintendo donc... n'a rien inventé. Voilà. Mais je crois qu'il en abusait un peu, alors que dans Metroid Prime, c'est vraiment un moment, enfin ça peut t'arriver au bout de quelques heures de jeu, tu fais j'ai cru voir des yeux, c'est assez subtil. En fait, c'est au fur et à mesure du jeu, tu fais tiens, j'ai l'impression d'avoir perçu ça, et au fur et à mesure tu vas y faire de plus en plus attention et tu les vois. Je trouve que c'est un renvoi beaucoup plus malin au fait que, tu sais, Samus c'est une femme en vrai, et tu le vois à travers la visière, plutôt que hey coucou à la fin je suis en bikini. Je trouve que c'est un peu plus c'est un peu plus malin, un peu plus subtil. Non, et puis c'est en fait c'est diégétique, c'est-à-dire c'est pas comme c'est un choix artistique, mais je sais, t'as des petits débats genre les lens flares, tu sais, où des gens disent mais ça n'a aucun sens qu'on voit ça déjà dans un film. Bon, après t'as parce que t'as la contrainte de la lentille, mais dans des jeux vidéo il y en a qui te mettent des lens flares, et il y en a ça les sortent, tu vois, du jeu. Là t'es dans un truc, tu vois, ça tient dans le côté immersion, quoi. En tant que myope, je vois des lens flares dans la vraie vie, donc de toute façon moi ça me choque pas. Et puis puisqu'on parle un petit peu de soucis du détail, etc., c'est vrai qu'ils ont vraiment poussé plein de détails. Il y a notamment la morph ball aussi, on en a pas parlé encore, parce qu'il y a évidemment la Morph Ball, ça c'est un des trucs iconiques de la licence Metroid. Et Miyamoto avait dit à Retro Studio, si vous ne réussissez pas les transpositions en Morph Ball, c'est-à-dire de première personne à troisième personne en Morph Ball, il n'y aura pas de Metroid Prime. Donc ils ont énormément de taffé là-dessus, et c'est vrai qu'elles claquent les transitions. Il y a ce passage il y a un dézoom comme ça de la caméra, ensuite on repasse derrière la tête de Samus et on replonge comme ça dans sa tête, et ça marche super bien. Très bien. Et la Morph Ball qui est en plus très agréable à manipuler. Et c'est un truc assez, en tout cas, iconique de Metroid Prime, vraiment, les déplacements en morph-ball, qui est pourtant vraiment le truc de base, tu vois, que t'as dès le premier Metroid sur NES, et ils l'ont vraiment transposé en 3D, puisque comme tu le disais, on passe de première personne à troisième personne, ça c'est une réflexion qu'ils ont dû se faire, mais en même temps, la morph-ball en première personne, t'imagines le truc qui roule, tu vois. Le vomi. Quoi que remarque, ce serait, tu sais, ce serait un peu truc, tu sais, comme quand on rampe, ils auraient pu repartir dans ils un délire comme ça, mais ce serait nul, en fait, parce qu'on verrait pas la morph-ball, quoi. Ouais, techniquement, tu roules en plus. Oui, et puis en plus, ça soulèverait cette grande question de comment elle survit, comment elle peut faire pour faire ça. Sachant que la morph-ball, donc quand tu fais le New Game Plus de soit Metroid, soit Super Metroid, elle n'a plus son armure, quand même elle se roule en boule, donc c'est vraiment biologique, tu vois, il y a un côté, son corps humain peut faire ça. Et alors, puisqu'on est dans les délires, les mecs les plus cools ont écrit un article sur internet. Il y a un délire, c'est soit est-ce que elle se recroqueville sur elle-même et il y a une boule qui se claque, tu vois, sur son armure, ou alors est-ce qu'elle se transforme en énergie et ensuite c'est la voilà. Est-ce que la boule fait vraiment la taille de Metroid plié? Moi, je pense qu'ils ont utilisé ce vieux principe, tu vois, très connu dans la philosophie du jeu vidéo, qui s'appelle le taggle. C'est magique. Exactement. Je pense que c'est un rêve. Mais en tout cas, ouais, non, vraiment très réussi dans Metroid Prime. Et moi, je me souviens, je me déplaçais beaucoup en morph-ball, en fait, parce que alors, je sais pas si c'est vrai, mais t'as au moins cette illusion que ça va plus vite, t'es plus rapide. Mais même si t'es pas plus rapide, je trouve que t'es plus en contrôle du coup de ton environnement, parce que comme je disais, ton champ de vision est hyper restreint, tes déplacements sont assez restreints à la première personne. Là au moins t'as un côté 3D, tu vois autour de toi, t'es plus, tu prends moins de place en fait aussi dans l'écran, donc t'as l'impression d'être plus flexible entre guillemets, d'être plus mobile. Et moi j'ai vraiment ce souvenir, tu sais, quand j'avais maté un bout de stream et quand je te voyais courir vers les portes, et je me disais, moi je faisais pas comme ça, parce que vraiment j'avais le souvenir à chaque fois devant la porte, je sortais de la morph-ball avec cette animation, vraiment hop, elle se déplie, t'as la caméra qui zoome à l'intérieur, et je faisais tout le temps ça en fait. C'est vraiment à chaque fois je sortais devant la porte, je tirais, et tu finis par vraiment avoir tes habitudes. Autre point intéressant avec la morph-ball, c'est qu'ils sont pas restés au niveau basique, parce qu'il y a pas mal de puzzles un peu 2D qui renvoient vraiment à ceux qu'on avait dans Super Metroid. Par contre, ils ont cette idée de la morph-ball araignée qui va permettre de se coller un peu sur des rails, et ils vont faire pas mal de puzzles avec ça, et ça marche bien parce que là ça exploite la 3D. On monte, il y a de la verticalité, etc. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt réussi. Et puis après, y a aussi plein de petits détails qui vont qui marchent bien, qui renforcent encore une fois l'immersion. Il y a la main de Samus qui passe devant l'écran quand elle se prend des attaques. Il y a des petites animations quand on attend les idle animations, qui est un truc qu'on avait dans quasiment tous les jeux en 2D. C'est-à-dire qu'il y avait même, tu vois, c'était un petit jeu. Enfin, moi, je sais que quand j'étais gamin, j'aimais bien, tu vois, je regardais la manette et au bout d'un moment, les personnages, ils avaient tendance, ils s'ennuient, ils regardent Sonic, tu sais. Il donnait des petits coups de pied, il se pose les mains là comme ça en mode alors tu rends compte, mais tu vois, et du coup il te regardait un peu comme ça, et là ils ont réussi à le faire aussi en 3D et ça marche à fond, quoi, parce que du coup elle tripote son canon, elle regarde les différents rayons, et etc. Ça marche super bien, hein. Parce que forcément elle doit s'ennuyer, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée, qu'est-ce qu'elle fait, elle réfléchit, elle a pas de smartphone, tu vois, pour regarder des trucs qui se passent dans sa vie, hein. Et t'as les petits détails dans les animations, encore le canon qui vibre, tu sais, quand tu le charges à fond, je crois qu'il peut fumer un peu, quand tu chauffes trop longtemps, je sais pas si c'est déterminé par un temps que tu restes, mais c'est vrai que plusieurs fois j'ai vu mon canon qui chauffait après avoir lâché le truc, et du coup un petit effet de fumée comme ça quand tu regardes au-dessus du feu. Et là aussi, en fait, il y a un soin du détail que tu sens que Nintendo était là, qu'ils étaient là pour valider quand même certaines choses, et il y avait cette exigence là. Et en plus, quand tu sais que le jeu, à quel point il a été fait du crunch et tout, tu dis ils ont poussé le truc assez loin. Mais en tout cas, tout ça donne vraiment ce sentiment d'appartenance en fait au jeu, c'est certaines entre guillemets immersion. Évidemment, c'est un sentiment subjectif, hein, c'est compliqué, mais quand même il y a plein de choses, les yeux de Samus, les animations, le casque, le travail sur les environnements, t'as des gouttes que tu peux avoir sur ton casque, ou des flocons de neige, il me semble, peut-être que t'en vas bien, et tout ça, tu dis j'y suis en fait. En tout cas, en 2002, tu peux avoir cette impression. Non, mais même encore aujourd'hui, c'est à dire qu'on est dans cette idée de renforcer le fait que tu incarnes un personnage qui a une identité propre, qui a un background, et qui n'est pas n'importe qui. Enfin, tu vois, je veux dire, dans Doom, typiquement le Doom Guy, ils ont fait beaucoup ça dans les derniers épisodes, de lui donner une personnalité, de l'intégrer en fait un peu au gameplay, pour pas justement simplement jouer une caméra, ce qui était le cas dans Doom 1 et Doom 2. Donc, là, on joue Samus pour de vrai. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé de Samus. Maintenant, on va peut-être regarder un petit peu comment ils ont transposé la recette du Metroid. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, avec le recul, avec les années, on se rend compte que cette map, la grande map de Talon 4, elle est assez plate, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une transposition. On nous dit, oui, c'est de la 3D. Oui, les salles sont en 3D. Il y a un petit peu de verticalité, mais c'est un niveau... c'est que dans les salles elles-mêmes. C'est pas vraiment sur la map dans son entièreté. Il n'y a pas des salles qui sont au-dessus les unes des autres, par exemple, et on va pouvoir, traverser via des diagonales, etc. Il n'y a pas vraiment ça dans le jeu. C'est une succession de salles horizontales, et comme tu disais, individuellement, une salle peut être verticale. On a d'ailleurs du double saut, on a avec la Morph Ball, on a un petit boost, et ils mettent vraiment des rampes de skate, où tu as un déplacement plutôt libre en plus. Enfin, tu sais, il faut bien atterrir au-dessus et tout. Donc, oui, il y a, comme tu as dit, de la verticalité, mais au niveau micro. Et une fois que tu es sorti de la salle, une fois que tu es sorti de ces petites plateformes, il n'y a pas ce plaisir que tu pourrais avoir, par exemple, sort plus tard, hein, mais on disait dans un Dark Souls, c'était une des réussites, vraiment, c'est d'avoir un environnement vraiment 3D avec une verticalité où tu vas reconnaître des environnements, tu dis, ah oui, mais là-bas, en fait, je peux y aller où j'y étais et tu peux le voir. Dans Metroid, c'est vraiment très compartimenté d'une salle à l'autre et il n'y aura jamais cette impression qui a pourtant existé. Alors moi, je n'étais pas arrivé jusque-là, mais dans Super Metroid, je crois que vous le citiez, où il y a vraiment un moment, une espèce de pont par lequel tu passais et tu peux le faire s'écrouler. C'est ça, ouais. Et là, tu tombes endroit. Ça relie deux zone en fait qui était a priori complètement hermétique, déconnecté, c'est ça, et ça va créer de nouveaux passages. Et t'as pas du tout ça dans Metroid. Non, tu retrouves pas ça. Il y a un petit clin d'œil, évidemment. Il y a un moment où tu dois détruire un pont qui est un peu cassé, mais là c'est pour juste pour récupérer un objet. Il y a pas ce truc là. Autre point, moi, qui m'a... C'est qu'on n'a pas l'impression, finalement, d'être dans un monde qui se tient d'un seul tenant, parce que, finalement, non seulement c'est plat, mais les zones sont assez déconnectées les unes des autres. Oui, il y a des ascenseurs, mais en fait, c'est des téléporteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des ascenseurs physiques, encore une fois, comme dans Dark Souls, où tu as vraiment l'impression, ou même dans Super Metroid, où tu voyais littéralement que tu descendais dans la map, et ensuite, la map, elle se construisait autour de l'ascenseur principal. Là, on a pas vraiment cette sensation. Et, petit écueil aussi, c'est vrai qu'on ne voit pas, quand on passe d'une map d'une zone à une autre, on ne voit pas à quel ascenseur on voit à quel ascenseur. C'est des noms, c'est genre ascenseur de l'est du Magmoor, ascenseur du nord de Fendrana, mais il n'y a pas de connecteur visuel logique. Et dans la deuxième partie du jeu, quand il faut commencer à faire un peu de backtrack, il y a des petits moments où on fait « Ah, c'est pas hyper lisible ». Donc ça, autant, encore une fois, sur le niveau micro, vraiment, si tu regardes une zone en tant que telle, la map, elle est très réussie, très fonctionnelle, il n'y a pas de problème, c'est en 3D, en plus, tu peux bien la faire pivoter. Mais par contre, entre les zones, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins réussi. Et puisqu'on parle toujours de level design, il y a aussi des pouvoirs qui étaient là dans les anciens Metroid qu'on ne retrouve pas parce que on voit que le LD ils l'ont pas construit pour ça, notamment le dash, enfin la fameuse course hyper vite comme ça, le Shine Spark comme on dit dans les derniers Metroid. Bon ça il y a pas, parce qu'en première personne faire de la du FPA avec de la course à la Sonic, on voit que c'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon les déplacements très rapides en 3D de base sont compliqués, et là on avait la contrainte technique du chaque porte dans laquelle on tire est un temps de chargement. Donc de toute façon, s'il fallait, ça aurait été vraiment de toute façon rejouer à Super Metroid sur Super NES, c'est ça, c'est-à-dire que tu cours très très vite, temps mort, chargement de l'écran, et tu cours très vite. Il y a cette espèce de truc haché, alors on s'y habitue et ça marche très bien et ça fait partie de l'identité, mais en 3D avec les contraintes de la console, je pense que c'était pas vraiment possible. Parce qu'avec la vue subjective, je pense que ça aurait pu marcher, c'est au moment où tu l'actives, il y aurait pu avoir un dézoom. En fait, elle dépasse la caméra et tu verrais un peu son dos, tu vois, pendant qu'elle court, et tu passes un peu en 3D, tu vois, un peu comme avec la Morph Ball finalement. Ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est le level design, la façon dont sont agencés les niveaux qui font que. Oui, il y aurait pu avoir un effet de style, mais en fait, les niveaux sont pas faits pour être traversés à toute vitesse. Et puis, il y a aussi le fameux Space Jump, qui est le saut infini comme ça de Samus. Là, on le retrouve pas dans le jeu. Encore une fois, comme on peut pas construire des zones en 2D où il y a plein de petits obstacles à éviter, et avec le Space Jump, c'est très plaisant quand tu l'as parce que tu as vraiment l'impression de reprendre le dessus sur ton environnement. Là, en 3D, c'était compliqué, je pense, de créer des niveaux. Sans dire que c'est impossible, en tout cas, ça fait partie des concessions qu'ils ont faites sur le moment en disant de toute façon, on a que un an peut-être pour faire le jeu, vas-y, on va déjà faire bien certains trucs, et ça, encore aujourd'hui, des jeux en première personne qui exploitent encore la plateforme, on est toujours un peu dans de l'exploration. Il y a eu Diego Runner, il y a eu Dread Core, il y a eu Mirror's Edge. Enfin, les déplacements très rapides à la première personne, c'est toujours un petit peu des trucs qui sont encore en cours de réflexion, en fait. Et puis, bah, pour terminer un petit peu sur les écueils, il faut forcément mentionner cette fameuse dernière partie du jeu où il faut récupérer les 12 artefacts pour ouvrir la porte du boss final. Et vraiment, ils ont dit, on reprend la map, vous nous planquez des trucs, et une fois que tu as tous les objets, tous les items, eh bien, tu dois faire une sorte de victory lap, comme ça, de l'ensemble de la map. Et ça m'a littéralement pris 2 heures pour le faire. J'imagine Samus comme un joueur de foot, c'est qui on se met à retourner son armure sur la tête et tout en faisant wouh. Mais c'est comme ça que on te dit ça y est, maintenant faut chercher les trucs, t'as tout récupéré. C'est à dire c'est un jeu qui est vachement bien rythmé, hein, comme tous les Metroid, hein, c'est toutes les demi-heures, 45 minutes, tu débloques un truc, ça va assez vite, ou tu découvres une nouvelle zone, etc. Là c'est vraiment 2 heures, t'as joué 10 heures, et à la fin le jeu te dit tu t'es bien amusé, maintenant cherche. Et vraiment à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Mais je l'ai fait parce que je voulais voir combien de temps ça me prenait. Et ouais, tu sais, c'était vraiment du taf. Je me suis dit, allez, je vais trouver mes petits trucs. Alors évidemment, c'est un Metroid, donc ça va nous permettre aussi de trouver les petits objets optionnels. On va retrouver plus de réserves de missiles, plus de réserves de vie. Mais concrètement, c'est quand même 2 heures qui viennent bien taper dans le rythme et du jeu. Et sur ton chemin, ils peuvent changer un truc, genre une pièce qui était safe avant, là, les lumières s'éteignent, ou tu vas te faire attaquer, des trucs que tu avais peut-être déjà vécu. Ce qui est un des codes, pour moi, du backtracking, ouais. C'est un des codes de l'horreur aussi, c'est pour ça que, tu vois, Resident Evil, le backtracking, ça marche bien, c'est que tu vas retraverser des pièces qui jusque-là étaient safe, et puis d'un coup, la fenêtre est cassée par des chiens, il y a tel zombie qui s'est relevé, donc ça marche bien avec, ça peut te surprendre. Mais là, effectivement, il y a un côté, tu sens que... Peut-être que c'est pour des raisons de durée de vie. Ils se sont dit, c'est trop court, 8 heures ou 10 heures, machin, il faudrait bien rajouter. Et puis ils ont dit, allez, backtracking, allez, pff, et là on t'en fout 12, quoi. Surtout qu'on le sait, vu que le développement s'est fait dans la douleur, le coup de, on planque 12 objets et il faut tous aller les chercher avant d'ouvrir la porte finale, tu vois, c'est une solution facile à base de, t'as une petite réunion et dit, comment on rajoute 3 heures de durée de vie au jeu? On les fait chier. Sachant que Wind Waker faisait exactement la même chose à l'époque, avec fallait récupérer les morceaux de la Triforce, il y en avait 8, et c'était pareil, c'était une tannée à la fin du jeu, c'est juste tu peux pas aller battre le boss, il faut juste aller récupérer alors, les 12 machins. La Triforce, à un moment et donné. Et d'ailleurs, dans le remake Wii U, il y a besoin d'en récupérer que 3. Et là, j'imagine que s'il y avait un remake de Metroid Prime, je les vois mal prendre ce chemin-là, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas très très intéressant, et c'est dommage parce que le rythme est super bon, et surtout qu'une fois que tu les as récupérés, tu bats Meta Ridley, qui est, pour moi, je trouve que les boss sont pas hyper réussis dans le jeu, mais par contre Meta Ridley est vraiment vraiment cool. Il y a des bons patterns avec la bonne petite marge de manœuvre pour essayer de faire plus de dégâts, récupérer de la vie, etc. Donc un vrai bon boss, donc je suis content d'avoir pu aller jusqu'au bout. Bon, le dernier boss c'est plus un gros sac à PV, mais voilà, jeu donc vraiment réussi, en fait, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on a le recul pour dire oui, ça manque de verticalité, ça manque de ci, ça manque de ça, mais en fait, à l'époque, on n'a pas du tout le même... on n'a pas joué Dark Souls, tout simplement. On n'a pas les mêmes barèmes, on n'a pas mêmes attentes. Tu vois, tout le travail sur l'immersion, moi, je me souviens très bien que ça faisait partie des trucs où quand je voyais ce jeu-là chez les gens, parce que je ne l'ai pas fait à cette époque-là, je l'ai fait que sur Wii, tu vois, c'était juste ces petits détails-là où je me disais, putain, ça a l'air trop bien, tu vois, parce que c'est le genre de petits trucs qui, moi, me parlaient. En fait, il y avait une telle, déjà, montagne à franchir qui était... passer Metroid en 3D, réussir les environnements, en 3D, j'allais dire FPS, FPA, FPA. Mais déjà, comme tu dis, on a tout le recul maintenant, mais à l'époque, déjà, il y avait ça à faire, tu vois, ils ont déjà défriché énormément de trucs, ils ont travaillé comme des yinches en plus avec le truc, donc énorme succès, vraiment, sur tous les plans, on va dire, compte tenu des contraintes, du temps et tout, et puis, le jeu a cartonné, de toute façon, Oui, le jeu a super bien marché, mais c'est vrai que, franchement, en y jouant, j'arrivais pas à imaginer que c'était un jeu qui avait fait autant de crunch, parce qu'il y a trop de choses, qui il y a du polish qui te fait pas douter right, de ça, tu vois, il y a trop de choses qui sont justes, qui sont réussies, tu te dis ça c'est quand même vraiment vraiment t'as un miracle, le petit niveau de finition assez associé justement à Nintendo, et ils sont très à cheval sur ça, et le fait d'avoir réussi à caler ça dans un temps aussi court, enfin vraiment c'est un miracle, hein. Franchement, chaque jeu qui sort c'est un miracle, et là celui-là oui clairement. Et c'est tellement un miracle que Nintendo avait pas forcément... Ils avaient même prévu de les dégager, je crois, de dire, vous faites Metroid, et après... Ils l'auraient peut-être pas dit au début. Non, ils le savaient pas, mais ils l'ont appris des années plus tard, qu'effectivement, Nintendo avait dépensé beaucoup de sous quand même dans Retro Studio, était pas forcément très content de la gestion, etc. Et c'était prévu qu'après Metroid Prime, on coupe les têtes, c'est terminé Retro Studio. Mais le jeu a assez bien marché aux yeux Nintendo, et au final, ils ont eu le feu vert pour faire une trilogie. Est sorti ensuite... l'épisode Echoes, bah, qui reprend vraiment la même formule, sauf que là, il y avait ce gimmick du Dark World avec un monde alternatif. Hein, c'est vraiment le même monde parallèle où on va devoir, quand on traverse comme ça, on perd de la vie, sauf dans des petites bulles de lumière. Toi, tu l'avais fait, toi. Ouais, je l'avais fait le 1 et le 2, du coup, sur GameCube à l'époque. J'ai très peu de souvenirs d'Echoes. En vrai, je me souviens bien de Metroid Prime, le premier, mais Echoes, bof. À part, effectivement, que ça fait partie du, pas vraiment du puzzle, mais de la boucle, en fait, de ce que c'est ombre et lumière. T'es dans le monde de l'ombre et qui te fait des dégâts, comme tu l'as dit. Et il faut que tu crées des bulles de lumière, en fait, je crois, peut-être en tirant sur les trucs, je sais plus les détails, mais voilà, c'est ça le gimmick, comme tu l'as dit, du jeu, et il n'y a pas grand chose d'autre de mémoire. Hein. Bah, moi, je l'ai lancé en stream parce que j'avais envie de la curiosité de voir ce qui avait évolué, et ce qui m'a tout de suite choqué, bah, c'est un peu la fin de la solitude, parce que très vite, on croise un PNJ qui nous parle et qui nous raconte, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, on te donne des objectifs comme ça. Donc, c'est assez surprenant parce que bah, quand on apprécie un peu la solitude qu'il y avait dans Metroid Prime, moi, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on me tenait un peu la jambe, qu'on venait un petit peu me titiller, genre, hé, tu veux pas parler? Alors, il y a même t'aimes ça quand on parle dans les jeux vidéo. Oui, hein. Oui, mais il y a même des petits marines, tu sais, ils sont morts et puis ils reviennent un peu à la vie en mode zombie. Donc, j'étais là, c'est un peu moins, il y a quelque chose d'un peu plus. C'est un peu plus spectaculaire, mais un peu plus surfait, et j'ai l'impression que c'est comme ça, en fait, qu'ils ont fait évoluer la saga, parce que qu'est-ce que tu fais après Metroid Prime? Parce qu'il y a vraiment tout. Le cahier des charges est vraiment est quasiment rempli. Qu'est-ce qu'on fait après? Bah, c'est le gimmick du Dark World. On fait un peu plus de cinématiques, et c'est aussi ce qui va se passer avec Corruption, où il va avoir tout un délire avec d'autres chasseurs de primes, etc. Ouais. Ça, c'était sorti sur Wii, et c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'ils ont changé forcément les contrôles avec la Wiimote, puisqu'on visait... Tu te déplaçais avec le coup. Et ça, je m'en souviens, j'avais joué peut-être une bonne heure, je pense, à Corruption. Et ouais, il y a un casting, en fait. Enfin, il y a vraiment des persos qui parlent. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais je pense que, tu sais, ça fait partie des questions que tu te poses. Comme tu le disais, t'as fait Metroid Prime, t'as fait des choses qu'il va faire. Qu'est-ce que tu fais après? Et en plus, c'est l'époque plus spectaculaire, plus de cinématiques, plus pris de par perso. La main aussi. Pris par la main. Oui, parce qu'il y a plus d'aides, je crois, les aides sont. Oui. Mais parce que aussi, il y a. Alors, juste pour s'attarder 30 secondes, j'avais vu la vidéo de Mark Brown sur Corruption. Là, t'as différentes planètes. Ouais. Du coup, tu vas faire pas un ping-pong constant, mais tu vas faire quelques trucs sur la planète A. Puis tu vas sur la planète B, et sur la planète B, tu peux débloquer un objet qui va débloquer un passage sur la planète A, donc tu reviens un peu sur la planète. Bref, elles ont un peu leur gimmick, mais sauf que c'est compliqué, c'est plus compliqué de te souvenir. Oui. Enfin, soit c'est plus compliqué, soit c'était moins bien fait, je sais pas. Mais là, le jeu, a priori, te dit quand même assez cash. Et tu sais, l'objet que tu viens de trouver, est-ce qu'il te servirait pas pour la planète A? Donc, a priori, c'était beaucoup plus présent que dans Metroid Prime, parce qu'il y avait déjà quelques aides. Il y avait déjà des petits points d'interrogation, des petits tot, il faut aller dans cette zone, il se passe quelque chose de bizarre là-bas, et en général, c'est là où tu récupérais un pouvoir. Et puis après bah, Prime va se terminer, donc Retro Studio, ils vont leur retirer Prime, ils feront notamment les Donkey Kong Tropical Freeze, des choses comme ça. Il y aura un Metroid Other M qui va sortir sur Wii aussi, qui est peut-être pas l'épisode le plus aimé. Bah, c'est développé par la Team Ninja, Ninja Gaiden donc c'est une espèce de, c'est présenté comme un jeu de TPS action sur rail. C'était un peu hybride hein, quand même. Il y avait des changements vraiment... de caméra, il y avait pas mal de trucs différents. C'était assez particulier. Bon, c'est pas forcément un jeu qui est nul ou quoi que ce soit, mais clairement ça tranche tellement avec la recette Metroid que c'est pas un épisode qui est très apprécié. Mais heureusement, Nintendo était capable de faire bien pire que ça, puisque récemment on a eu Metroid Federation Force. Ça, c'était vraiment le spin-off poubelle. Hein, non, mais c'est là que tu te dis qu'effectivement, Metroid, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à chaque nouvel épisode de Prime, ça se vendait de moins en moins bien. Vrai, c'est vrai qu'on n'a pas dit les scores. C'est-à-dire que autant Metroid Prime est monté à 3 millions, autant Echoes, qui est sorti après, donc a priori sur un parc installé plus important, a fait à peine 1 million, un peu plus d'un million. Je dirais un peu plus d'un million de mémoire. Et là, tu pourrais dire effectivement l'excuse, la GameCube s'est plantée, et ensuite, t'as Corruption qui sort sur Wii, et là, il y a quand même un bon parc, elle cartonne et tout, et il a fait un peu plus que Echoes, je crois que c'était, mais moins de 2 millions, tu vois. Et là, tu fais, en fait, la licence, c'est compliqué, et ils feront même la trilogie, du coup, Metroid Prime sur Wii, en mettant les nouveaux contrôles de la visée libre sur Metroid Prime 1 et 2, et ça s'est vendu à genre 500 000 en 2009, tu vois, donc la Wii, La Wii est déjà en train d'exploser, parce qu'en 2009, ça fait 3 ans qu'elle est là, c'est déjà la folie, quoi. Et en fait, finalement, la série Metroid va replonger dans une sorte de gros hiatus, c'est-à-dire qu'il y a eu Fusion, Zéro Mission, et après ça y est, les épisodes 2D va vraiment rester de côté, et les épisodes 3D depuis, il n'y en a pas eu. Parce que il y a eu Metroid Dread qui est sorti là récemment sur Switch, mais Metroid Prime 4, on l'attend toujours. Alors on a regardé l'annonce, c'est quand même en 2017. Hein, c'est il y a 5 ans quand même qu'ils nous ont montré ce magnifique logo préparé probablement par un stagiaire. Il nous manque un truc, mets-nous à 4. Il y avait rien, mais tu sens là encore une fois, c'est le contexte qui pousse l'annonce, puisque 2017 c'est l'année de sortie de la Switch, et il y a un côté, vous inquiétez pas, on vous prépare des trucs, ce qui est important quand tu lances une console. Il faut rassurer les gens, leur dire que c'est un investissement. Ils l'achètent en 2017, oui, il n'y a pas 1000 jeux dessus, mais t'inquiète, 2018, 2019, peut-être qu'il y aura Metroid Prime 4. Non, puisqu'en 2019, du coup, on avait eu l'autre annonce, c'était que le projet, alors le power, l'image qu'on a eu, ça a été reboot complet. Et c'était chez Bandai. C'était Bandai qui devait le faire et ça a été refilé du coup à Retro Studio qui reprend Metroid Prime 4. Et voilà, depuis, please understand, vous attendez. Mais ce qui est intéressant, c'est que la série Metroid, en fait, elle a jamais réussi à monter. Au niveau des autres grosses licences de Nintendo, c'était déjà le cas à l'époque de la NES, de la Super NES. Il y a eu, comme on l'a dit, cette tentative de la remettre sur le devant de la scène avec les épisodes Prime, mais aussi ceux sur Game Boy Advance. Et pourtant, ça a pas réussi. Elle a failli avec Prime. Le premier Prime, vraiment là, il cartonne et ça a poussé à faire une trilogie quand même. C'est pas rien, comme on disait, il y avait eu que 3 Metroid en 15 ans et là, boum, t'as une trilogie qui débarque avec un épisode Advance, machin. Le 1, il a frôlé la Ligue 1, en fait, de Nintendo. Il y a Metroid Hunter aussi qui était sorti. Oui, sur DS. Oui, il y a eu ça. Non, mais voilà. Mais un épisode 3D, mais sur DS. Oui, c'est vrai, voilà. Mais Metroid Prime 1, il y a beaucoup d'espoir sur la licence, même de point de vue critique, commerciaux, tout, quoi. Mais comme on l'a dit, c'est qu'une fois que la trilogie est sortie, là, tu fais il y a plus vraiment être remise au placard. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai qu'on se posait la question, on se demandait si, est-ce que Metroid peut. Est-ce qu'il y a encore une chance, en fait, pour cette série ? Parce que Metroid Dread a bien fonctionné, a fait 3 millions, mais en fait, comparé aux chiffres de la Switch, c'est pas un des jeux de la Switch. 3 millions dans un contexte qui est assez particulier. Et ça, je pense qu'on peut le mentionner maintenant, c'est qu'en fait, Metroid, ça a donné naissance à un genre, mais c'est pas eux qui maîtrisent le truc. C'est-à-dire que grâce aux jeux indépendants, enfin vraiment, j'ai refait une espèce de petite historique dans ma tête, le Metroidvania, en tant que genre du jeu indépendant, c'est devenu ultra populaire grâce à des jeux indés. Tu vois, il y a eu Guacamelee, il y a eu Shadow Complex qui avait été développé par Epic Games, qui était sorti sur la 360, c'était un des premiers qui ressortait. Il y a eu Cave Story, mais qui était assez confidentiel. Axiom Verge. Et évidemment, un jour ou l'autre, on va parler de Hollow Knight, qui aujourd'hui est le daron. Ouais. Et qui s'est plus vendu que n'importe quel Metroid. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc, les enfants ont dépassé le papa, quoi. Et même chez Castlevania, c'est-à-dire que c'est aussi une série qui a connu un destin assez particulier, où il y a eu tous les épisodes DS, GBA en 2D qui sont super cool. Ils ont essayé de revenir un petit peu à de la 2D avec Mirrors of Fate, qui était justement développé par les gens de chez Mercury Steam, qui feront Dread. Ouais. Mais voilà, tu vois, ça fait partie de ces séries qui ont une influence énorme sur le jeu vidéo et le jeu vidéo indé en particulier, mais qui finalement n'ont pas cette place, tu vois, culte comme pourraient l'avoir d'autres séries. Quoi. C'est culte, mais pas d'un point de vue commercial. Voilà. Quoi. C'est pas mais c'est culte pour les gens qui connaissent. Exactement. Parce qu'au final, aujourd'hui, s'amuse pour beaucoup de gens, c'est le personnage de Smash. Ouais. Mais c'est tout. Tu vois, Après, Metroid, c'est le Metroidvania, c'est-à-dire que le genre presque dépasse la licence qu'il a fait naître. Quoi. En tout cas, plus de gens ont joué Samus, parce que du coup, Smash, alors ne serait-ce que le dernier, Ultimate, c'est genre 30 millions de ventes. Ouais. C'est beaucoup plus que tous les Metroid réunis, effectivement. Et puis, en jouant à Metroid Prime, moi, je trouvais que c'était propre, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, ça ne m'étonne pas qu'ils soient en galère pour faire un 4, parce que qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait en 3D ? Parce que des Metroid, oui, du Metroidvania 2D, ça existe, mais par contre, est-ce que des Metroid 3D, du like comme ça, qui reprend vraiment cette formule avec les objets, etc., c'est-à-dire, je parle pas simplement de level design à la Dark Souls ou Bloodborne, il y en a pas tant que ça. On a pensé, il y avait Jedi Fallen Order qui faisait un peu... C'était un peu mélangé. C'était like, mais celui qui y ressemble le plus, c'est Control. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, la question, je pense qu'il y a deux questions. C'est est-ce que le Metroidvania, déjà, en tant que genre, peut nous surprendre aujourd'hui ? Parce que même ceux qu'on a cités, ils ont surtout d'autres qualités. Tu vois, tu dis Hollow Knight. En fait, pour moi, il a, entre guillemets, je suis vraiment pas méchant quand je dis ça, il a rien apporté au Metroidvania. C'est pas grave, hein, il a plein d'autres qualités énormes. Il a son système de combat, il a un côté platforming, il a son univers, son ambiance qui sont super. Il exploite même, peut-être parce que c'est un peu plus facile en 2D, mais sur le côté macro, tu relis une deux zones. Alors, concrètement, t'as pas besoin d'emprunter ces passages, mais voilà, c'est très bien. Et tous les autres, en fait, ils ne dépassent pas non plus le Metroidvania, mais ont plein d'autres qualités. Et du coup, la question tiroir, c'est quelle place pour Metroid, tu vois, la licence Metroid d'aujourd'hui, puisque bah, tu disais Metroid Prime, concrètement, ce que tu fais, en fait, c'est, tu l'as déjà fait dans Super Metroid, globalement, les trois quarts de ce que tu fais, enfin, tu connais, tu perds tous tes pouvoirs, Morph Ball. Le cahier des charges, en fait, est tellement important, c'est-à-dire la Morph Ball, les missiles, le super saut, le machin, c'est tellement segmenté, séquencé depuis le premier. Qu'on connaît, c'est un... moi j'aime bien cette licence et j'aime bien ces codes, mais encore une fois, j'ai relancé Metroid Prime 2, j'avais plus envie. Parce que ouais, et puis surtout, si c'est deuxième, Metroid quoi. Prime Game, c'est genre bonjour, tu viens de perdre tes pouvoirs, ouais, repars voilà, de zéro, ouais. T'es là. Ouais. C'est pour ça que tout le monde, enfin, on est beaucoup à attendre. Moi, on je suis vraiment très Breath curieux of the Wild pour Metroid, quoi. Ben c'est ça, on a déjà mis quelques éléments de réponse. C'était qu'est-ce qui manquerait vraiment aujourd'hui pour être la masterclass première personne. Mais en fait, c'est d'exploiter la verticalité dans l'univers de Metroid au niveau macro, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. D'avoir ce sentiment, on parlait d'immersion. Et ben, tu rajoutes une case. Comme je disais, c'est ce qu'on a pu vivre dans un Dark Souls, par exemple, où là, ben, l'ascenseur, tu le prends, t'es dedans en tant que joueur, et tu vas rejoindre une zone que t'as vu avant, peut-être que tu vas pouvoir à un moment sauter du truc et en fait relier les choses, donc moins de temps de chargement, mais relier au niveau macro du coup, le point A et le point C avant où tu devais passer par tel machin et tout, c'est ça peut-être qui manque vraiment à la licence quoi. Et comme on l'a dit, vu que le level design est vraiment central dans la formule de Metroid, c'est là que ça va se jouer. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment ça. Sur l'exploitation du level design qu'ils vont pouvoir faire quelque et chose. Et la progression en fait des items, c'est-à-dire est-ce qu'ils font le choix de, si on, parce que quand Zelda casse tout et nous donne les items dès le début, bah forcément c'est un mind blow. Il n'y a plus du tout la même structure de progression. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire ça sur Metroid? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que quand je joue à Metroid Prime, je trouve qu'aujourd'hui, ça a vachement bien vieilli et je vois quelques petites pistes d'amélioration. Je vois très bien, en fait, un Metroid Prime un peu moderne, meilleur boss, un petit peu de verticalité, et on a un jeu qui est très bien, qui sera peut-être pas hyper surprenant, mais qui sera certainement très agréable. Ou alors, bah, personnellement, j'aimerais plus le coup de pied de la fin. C'est ça, la prise de risque, parce que c'est pareil, du coup, on l'a dit, quid de l'univers, quid de la discussion, de la narration. On est en 2022, on a des jeux avec des acteurs aujourd'hui, et tu vois, des grands comédiens qui font les trucs et tout. Enfin, là, je veux dire, moi, je sors juste de God of War, qui a une production value de ouf, et tu te dis, bah, Metroid Prime, il faut quand même qu'il ressemble un petit peu au standard de l'époque, pas, moi tu vois. J'aimerais bien, moi ça me dirait bien d'avoir un jeu qui est bien full solitude, voilà, un peu, tu sais, où finalement t'as pas tant de détails que ça, ou un peu à la Souls, parce que finalement les Souls sont assez proches, tu vois, dans tu vois, façon moi je pense à Returnal aussi, qui avait un petit truc. Alors je dis pas que c'est du Metroid, mais ils ont essayé, tu vois, il y avait ce côté, tu joues une nana toute seule sur une planète inconnue, machin bidule, dans un bureau inconnu, mais oui, de quoi, Control, c'est un bureau, non, Returnal. Ah, Returnal, pardon, excusez-moi. Oui, j'étais sur Returnal, où tu sais, il y a le côté shoot, déplacement, exploration. De toute façon, dans ma tête, ils ont fait un mix, mais oui, Returnal. Bah, la fusion Returnal Control, moi je la prends quand tu veux. Mais voilà, enfin tu vois, il y a des jeux où il y a déjà des exemples, on peut savoir. Moi je pense vraiment que les gens qui bossent sur Metroid Prime 4, c'est ça, ils doivent se poser des tonnes de questions. Comme tu dis, soit on fait juste un mieux. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment la surprise et ils comptent sur on va dire, l'amour des gens pour pouvoir l'acheter, ou ils arrivent avec un vrai nouvelle proposition. Et là, bon courage, quoi, parce que du coup, il y a des enjeux énormes derrière. Hein. Et c'est pour ça, j'imagine qu'on peut l'attendre encore un petit moment, et si jamais ça sort un jour. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode, bah voilà, rétro sur Metroid Prime. J'espère que nos amateurs et amatrices de Nintendo se seront régalés comme nous, on s'est régalés à faire cet épisode. Moi, j'étais très content de le faire. C'est un jeu que j'aime bien, honnêtement. C'est vraiment un beau jeu. De l'avoir lancé, moi, c'est pareil. Je me suis dit, oui, c'est propre et ça reste. Tu vois, il n'y a pas des millions de jeux qui datent exactement de cette époque-là, du passage à la 3D, que je refais avec plaisir. Que là, vraiment, celui-là, aucun souci, quoi. Vous pouvez évidemment nous soutenir sur Patreon. Je rappelle que les liens sont dans la description si vous voulez nous aider à financer cette émission. On se retrouve dans 2 semaines, si tout va bien, donc peut-être un peu moins de 2 semaines même, si tout va bien. Cette fois-ci, on va être encore dans l'espace, Maxime, et il va encore avoir des histoires d'extraterrestres. Oui. De quoi on va parler, Maxime? De Starcraft 2, évidemment. Voilà, ça sent l'épisode full Maxime. Benoît et moi, on sera là. Bah, on récupérera des minerais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et Maxime on va sera drones, là. Nous. On va aller chercher des petits trucs. Allez-y, vous ferez l'histoire, la campagne, peut-être. Yes, voilà. Travail terminé. Moi, j'ai fait, c'est bon. C'est pas la bonne licence. Oui, je sais. Mais, mais oui, je plaisante. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Petite musique incroyable juste maintenant. À la prochaine. Ciao. Thank you.